Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et manga. HongKongStyle. Numéro de Flashpoint, le podcast, donc le nouveau podcast consacré au mois de juin 2015. Alors, donc l'équipe habituelle avec Vinch, bonjour, et avec Spectra, salut, tout le monde va bien? Ouais, et toi? Ça va nickel, impeccable. Vous avez pas trop chaud chez vous? Il fait 45 degrés, j'en peux plus. À la Belgique aussi, elle est sous la canicule? Ouais, enfin, on n'a pas 45, on a 35, mais d'accord, quand même quoi. Pas qu'en France, c'est pire. Moi où je suis ça va, mais apparemment où il y a Spectra, apparemment ouais, c'est alerte orange et tout ça. Quoi, t'as combien de degrés chez toi? Moi? On est à 34, la ouais. Petite baisse. Lui il est à 34. Moi je sais pas à combien je suis, mais c'est pas aussi. On n'est pas en alerte orange nous. On a la mer qui rafraîchit, t'inquiète. Ouais, c'est pas de ça. Ouais. Bon, alors on va donc attaquer avec les news ciné. Et donc avec, il n'y a pas eu énormément de trucs, mais bon, on va en parler de ce qu'il y a eu. Donc déjà, premièrement, donc Del Toro, il va abandonner le film qui est en projet de Justice League Dark. Bon, ce sera que un des multiples projets qu'il abandonne, hein, parce que lui, c'est quand même un gros foireux. Et ensuite, donc on a aussi appris donc Warner allait s'occuper de tous les gros films, on va dire, principaux DC Comics, et New Line gérera plutôt la franchise Vertigo. Et donc voilà, par contre Justice League Dark, si un jour il sort, ce sera celui-là, par contre, sera géré par Warner. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette c'est le même groupe, hein, c'est toujours Time Warner, mais qu'est-ce que ça vous fait qu'il divise en deux divisions? Pas grand-chose moi, enfin, je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça pourrait nous faire en fait. Ouais, je pense comme toi. Bon, franchement ça c'est ouais, de la papasserie, on s'en bat les couilles, tu vas me dire. Et toi Spectra? Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ok, ça va, on est tous bien d'accord. Bon, alors on va continuer. Donc avec, c'était pressenti, donc James Wan qui va réaliser Aquaman. Donc il avait réalisé Furious 7, là, qui a battu des records, non, je crois. Ils sont pas à plus d'un milliard de recettes Je crois ils sont pas fait enterrer par Jurassic World. Ouais, sûrement, mais avant qu'ils sortent, je crois ils sont un peu plus d'un milliard, hein, je crois, de... Ils avaient bien, bien défoncé le box-office avec Furious 7. Ouais, Vinch, t'es allé le voir, toi, espèce de fou. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais oui, t'étais allé le voir et puis tu faisais le malin, on te parlait d'un autre film et tu disais, ouais, moi, ça m'intéresse pas, les films avec des voitures. Tu te rappelles pas, il y a un ou deux mois, on avait parlé de ça? Non, je vois pas vraiment comme ça. Ah, c'était pas toi, d'accord, ok. Ça devait être Jean-Claude de la dernière fois. Ah, ça doit être ça. Bon, donc ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on verra bien sur place quand ils feront le truc, hein, dans tous les cas. Bah, il paraît que Aquaman va passer à travers plusieurs tours pour s'échapper d'un endroit. C'est la rumeur. Et ça, c'est pas par rapport au caméo du film Bat Superman? Non, non, en fait, je me foutais juste de la gueule de Fast and Furious 7, là. D'accord, ok. C'est ceux qui l'auront vu auront compris. D'accord. Non, mais nous, on a des auditeurs de qualité. Ils vont pas voir les boosts que toi, tu vas voir au cinéma, hein. Ça va regarder Adibou et puis c'est bon. On va regarder quoi? Adibou. C'est quoi Adibou? C'est un truc de quand j'étais jeune. D'accord. Ah, ça remonte Adibou. Je connais pas moi tous ces trucs là. Bon voilà, donc ensuite je te laisse continuer Spectra. Alors avec le synopsis de Batman vs Superman, redoutant les actions incontrôlables d'un super-héros puissant comme un dieu, et pour montrer au monde de quel genre de héros il a vraiment besoin, le justicier masqué de Gotham City décide d'affronter le sauveur de Metropolis. Mais alors que Batman et Superman sont en guerre l'un contre l'autre, une nouvelle menace émerge, mettant plus que jamais l'humanité en danger. Voilà, donc c'était le synopsis de Batman, on ne pouvait s'y attendre. Voilà, ils vont se mettre un peu sur la gueule, et puis après ils vont affronter un méchant commun. Et il y a eu un autre synopsis qui a fuité là, et apparemment ils l'ont vite retiré. Je l'ai pas lu pour pas me faire spoiler. Vous l'avez lu, vous? Non. Vinch? Non, je suis pas les news du film, donc je saurais pas dire. Pour éviter de me faire spoiler, justement. J'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu 2-3 commentaires. Les gens disaient que ça avait l'air excellent, mais bon, moi j'ai pas voulu. Et j'ai pas voulu regarder, et puis apparemment après il a été enlevé directement. J'ai juste vu les dernières photos en ligne là, du Ouais, film. qui Hein. viennent de sortir maintenant là. Ouais, classe, Ouais. hein. Super classe. Ouais, Ouais, surtout Jesse Eisenberg, là, il est au top. Mais il a une putain de gouffa, non, sur la photo? Ouais, carrément. C'est chaud. Ouais, je te laisse continuer, Spectra. Oui, excuse-moi. Oh merde. Donc ensuite, Merci. alors apparemment, le fait que Chris Pine jouerait dans le film Wonder Woman, ce serait qu'un écran de fumée pour en fait masquer le truc que lui serait pressenti pour jouer Hal Jordan. D'accord, je l'ai pas vu passer cette rumeur. C'est ouais, alors après c'était selon Collider et la Team Review, mais voilà, a priori Chris Pine serait pressenti toujours pour jouer Hal Jordan et pas vraiment Steve Trevor. Bah depuis l'autre fois, je sais toujours même pas qui c'est, je sais plus ce qu'il a fait. Il a fait des navets, il a fait des gros films, je me rappelle plus. Ah, il a fait les Star Star Trek. Trek, Ah oui, Deep voilà, Space je me Nine rappelle. 3. D'accord. Et c'était bien? Et ouais. D'accord. J'ai regardé ça un peu sceptique là, mais finalement j'avais bien kiffé hein, les Star Trek. Et Green Lantern toujours, du coup, pour le film qui sortira en 2020, ils annoncent qu'il n'y aurait pas que Chris Pine, enfin que Hal Jordan, mais qu'il y aurait peut-être aussi Guy Garner et puis John Stewart. Ouais, ça pourrait être une super idée, faire un film Green Lantern Corps là. Ce Ouais, mais serait après. super. Si on pouvait éviter l'Origin Story une fois de plus. Ce serait pas Ouais, mal. s'ils pouvaient commencer à affronter ou à découvrir un petit peu Darkseid et tout, là, ça préparerait bien le film, la suite des films Justice League, ça pourrait être pas mal. Oh, mais le Justice League partie 1, il sort avant celui-là. Donc Ouais, mais peut-être que. pour le 2. Même Justice League partie 2, il sort même avant ça, non? C'est Ouais, pas le bah dernier oui. film. Green Lantern, c'est l'avant-dernier, non? Ou un truc comme ça. Le Ou non, c'est dernier. le dernier Green Lantern. Je crois, Donc, ouais. ouais. Et à Ah moins ouais? que ce soit un film directement que dans l'espace et compagnie, quoi. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc, bah, toujours sur Green Lantern, Vinch. Ouais, donc Tyrese Gibbons qui joue Tyrese. dans Tyrese. Tyrese, ouais, soit le Black Tyrese, ouais. qui joue dans d'ailleurs les super bons Fast and Furious pour la référence, continue de faire fantasmer de donc continue de fantasmer lui-même lourdement sur son possible rôle de John Stewart avec des fan arts etc qui fabrique lui-même on dirait ou que des fans fabriquent pour lui, je ne sais pas, mais le gars tweet, il est à fond dedans et il espère, il y croit, il se croit John Stewart. De toute façon, normalement, si t'as fait un film de voiture en bois, au moins un dans ta vie, normalement, t'as de grandes chances d'atterrir sur un film d'essai, quoi. Bah ouais, parce que vu que DC, ils aiment bien recycler tout le casting de Fast and Furious, donc il y a de grandes chances, ouais. Bah ouais, c'est clair. Il y a moyen. Donc ensuite, Affleck et Terrio seraient à la réalisation du prochain Batman, dont on n'a toujours pas de date. Et Jeffrey Dean Morgan donc, serait, donc, est confirmé eh bien, dans Justice League, Justice League, oulala, dans Dawn of Justice, là, je vais me faire des conneries. Et il serait en fait Thomas Wayne. Il a été confirmé ou c'est une rumeur? Non, il était confirmé. Ben, déjà, il avait été confirmé il y a longtemps, vu qu'il y avait un tableau avec sa gueule sur le D'accord. qui avait été vu sur le tournage. Et là, il a été dans un show, genre, enfin, les shows américains. Et il a confirmé qu'il serait dans le film. Maintenant, on ne connaît pas son rôle, mais on suppose que ce sera Thomas Wayne, vu qu'il a bien la gueule de l'emploi. J'ai mal trié les news là, on parle un peu de tout, et désolé. Ouais, et pour revenir à Fleck et Terrio, ça pourrait être une bonne idée, ça. Bon, Terrio, c'est celui qui avait scénarisé, je crois, Argo, là, le film de Ben Darfleck. Affleck, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le scénariste d'Argo. Et puis je crois qu'il est aussi de toute façon sur le film Dawn of Justice. Ouais, c'est ça, il y a moyen, ouais. En tout cas, Ouais, Argo, il était Affleck, il a bien, mais. un peu ramené sa clique, ce qui est pas plus mal hein, d'ailleurs. Puis Ouais, Affleck c'est à la clair. réalisation, franchement, pour le coup, autant en acteur, je suis un peu mitigé, mais à la réal, je le trouve nickel. Bah ouais, tous les films, enfin, il n'a pas fait des masses, mais Argo, je l'avais trouvé bien. Le film, là, dans sa ville, à Boston, là, The Town, il était cool. Et le premier, là, Gone Baby Gone, je crois, il était pas mal aussi. Ah, il était bien Gone Baby Gone, ouais. C'est vrai que c'est autre chose que Pearl Harbor et je sais pas quoi, là. Gone Baby Gone, c'est quoi ça encore? C'est son premier film, et dans le Ah. film, c'est son frère qui joue l'acteur principal. Ouais, juste Casey Affleck. C'est ça. Ouais, si tu l'as pas vu, regarde-le, hein. Franchement, il est pas mal. Ensuite, un truc qui m'a fait super kiffer, donc c'est un mec que je connaissais pas, c'est Greg Silverman, donc le président du développement créatif chez Warner, qui a dit, donc en fait il y a eu une interview, je sais pas si elle a été publiée entièrement, mais bon, quand j'avais vu la news, il y avait un bout d'interview qui était sorti, et donc on lui demandait un peu la différence entre les films Marvel et DC, et donc il disait que le truc qui en ressortait, c'est qu'en gros, chez DC, ils avaient plus une politique de réalisateur, alors que Marvel, c'est plus le studio qui prend un peu en main tout le monde. Donc ça fait réagir sur Internet, chacun y va de son truc. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il dit après. Je sais pas si tu vas saisir la nuance, Vinch, mais ça vaut le coup quand même. Donc les gens, ils ont râlé par rapport au ton super sombre du trailer de Batman v Superman. Et il dit qu'en fait, les réalisateurs, je lis texto ce qu'il a dit, hein, les réalisateurs s'attaquent à ces personnages. Les réalisateurs qui s'attaquent à ces personnages font des grands films à propos de super-héros, ils ne font pas des films de super-héros. Donc il a tout dit en fait. Vous êtes là? Ouais, j'attendais la réaction de Vinge du coup. Vince? Ouais, je suis là. T'as capté la nuance? J'ai rien à répondre. Voilà. Ouais, voilà, il a tout dit, il a tout dit. Voilà. Donc ça m'a fait super kiffer. Et après, ouais, bah, pour voir l'interview en entier, ouais, je pense qu'elle a dû sortir, ou elle va sûrement sortir un de ces quatre. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec ces deux trucs que j'ai retrouvés là. Vous en pensez quoi, vous? Même de la première, par rapport au fait que DC, c'est plus des réalisateurs qui sont un peu plus Bah, aux je suis manettes. assez d'accord avec lui. Après, il y a Kevin Feige du coup de Marvel qui a répondu par-dessus. Ouais, j'ai vu ça, mais bon. Mais ouais, non, franchement, enfin, en tout cas, ils ont l'air de les réals de côté DC ont l'air d'avoir un peu plus de liberté que chez Marvel. Hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, ils ont peut-être un style plus personnel, on va dire. Ils auront, ouais, comme tu Ouais. dis, plus, ils auront peut-être, bon, pour l'instant, on a vu qu'on en a vu qu'un, mais après, c'est sûr que, ouais. Moi, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, ça a continué de me rassurer. Bon, et donc pour finir avec le ciné, ben voilà, là il y a la SDCC qui va commencer le week-end prochain, si je dis pas de bêtises, et donc il y aura un panel donc Batman, Superman, avec donc Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot et puis d'autres du casting. Et donc ça aura lieu le 11 juillet, et si je dis pas de bêtises, c'est à 10h30 heure américaine. Donc voilà. Nous y serons. Nous y serons, ouais. Non mais ça va être cool ça. Bon. Et j'espère qu'on va avoir des trailers et enfin un petit trailer un peu plus long ou un truc. Ouais. Je veux juste voir un trailer et après le reste, ça m'ira. Ouais, enfin, on a encore un an de la sortie du film, donc à mon avis, ils vont bien miser le paquet vu que Marvel est absent du show Ah ouais, et qu'ils vont Marvel, ils y sont pas, pouvoir. donc il y a moyen que. Non, ouais, vu qu'ils participent au truc qui se passe après le Disney machin, je sais pas quoi. Ouais, j'ai pas vu ça, d'accord. Voilà. Non, mais Bah, la théorie. Disney, ils ont Ouais. leur propre convention et avec Marvel, Disney, bah, ils ont décidé de faire leur kiff dans leur propre convention. Mais après, je pense que Marvel, ils ont peut-être pas trop de grosses annonces à faire ou quoi, peut-être. Ouais, ils ont plus grand chose à faire pour le moment, vu que le prochain Voilà. film c'est. Ant-Man. Non, Ant-Man, c'est pourri, ça sort. Enfin, ça sort cette semaine, je pense, ou la semaine prochaine, un truc dans le genre. Et je pense que tout le monde s'en bat les couilles d'Ant-Man. Mais je crois que non, le prochain film c'est Civil War, mais vu qu'il est en plein tournage, ben, ils ont peut-être pas encore envie de commencer déjà la promo, vu que le film sort dans un an et que ils ont tout le temps de le faire, quoi. Ouais, mais là, de toute Ils ont façon. peut-être pas encore d'image ni rien. Ouais. On en reviendra après, mais là Warner ils vont envoyer du bois parce que pareil ils vont faire des panels avec toutes les séries télé là qui Ouais. vont diffuser. Bon, on va en reparler après. Voilà, donc ouais, la transition donc pour les news séries télé. Bon, on va commencer par pour une fois qu'on parle de news séries télé en France. Donc hier, donc le 1er juillet, il y a eu la saison 2 d'Arrow qui a été diffusée sur TF1 et derrière ça la saison 1 de Flash. Donc comme c'est TF1, ils sont tellement énormes qu'en fait ils diffusent 3 épisodes d'Arrow de la saison 2. Et à 23h20, il y a 2 épisodes de Flash. Donc en fait, c'est n'importe quoi parce que les mecs qui vont suivre Flash, ils vont se spoiler complètement Arrow vu que la saison 1 de Flash, elle a commencé normalement quand la saison 3 d'Arrow a commencé. Tout à fait. Donc Donc le ça, c'est de la dernier merde. épisode d'Arrow est, elle, est juste le préquel de l'épisode 1 de Flash. Donc en fait, les gens, ils vont suivre Flash et puis à un moment donné, dans la saison d'Arrow, ils vont voir Barry Allen comme ça, qui vient les voir. Ils vont être un peu perdus, je pense. Et surtout, mettre une série comme ça, Flash, je pense que c'est plus fédérateur qu'Arrow. Foutre une série comme ça à 23h20, c'est vraiment des trous du cul, quoi. Ouais, c'est carrément des gros boulets. Déjà que les mecs, ils arrivent à diffuser la série 6 mois après la sortie du coffret DVD. Et Attends, mais en en plus, plus. le pire, attends, il y a ça aussi. Ce qui est aussi abusé, c'est que la première saison, il avait passé à 22h30. Et là, la saison 2, c'est même pas logique. Hop, il a basculé à 20h50. Donc les mecs qui n'ont pas suivi la saison 1, ils arrivent là, ils se disent qu'est-ce qu'on a loupé, c'est. C'est parce que ça faisait 1 million, 5, 2 millions en soirée. Alors les mecs ils se sont dit, à mon avis, à 20h50, ça va faire un carton d'audience. Moi, ils auraient eu que 4 millions. Enfin, c'est un score assez faible, mais quand même, Non, quoi. mais apparemment, ils sont numéro 1 quand même des audiences. Ouais, dans le taux des Non, même pas, je 14-30. crois. Hein. Même pas, je crois. Je crois qu'ils sont numéro 1. Les 4 millions, pourtant, c'est faible. À mon avis, les gens étaient pas dans leur tier. Parce qu'en général, le top leader, il a 6 millions, je pense, sur les passantes. Ouais, mais les audiences, elles ont pas mal baissé. Hein. Et hier, il y avait quoi à la télé? Il devait y avoir un vieux téléfilm sur France 3. Oh, il y avait la taupe sur M6. Ouais, je pense que la taupe sur M6, ça a pas mal marché, je crois. Ah, bah en parlant d'M6, eux ils doivent faire un concours avec TF1 parce que c'est pareil, ils ont diffusé How, non, c'est quoi? Non, How to c'est Get Away with W9. Murder. Non, c'est la 6. Ils ont diffusé How to Get Away with Murder, la série d'ABC. Et là, je crois que c'est pareil, ça coûte 4 épisodes d'un coup, quoi. La soirée se finit à minuit et demi, un truc comme ça. C'est pareil, genre les mecs, les gens ils travaillent, tu peux pas te mater 4 épisodes d'affilée, quoi. Enfin, je sais pas. C'est complètement con, ils auraient dû en mettre 2 par semaine, ça aurait duré plus longtemps, quoi. Et les gens ils auraient suivi. Ouais, surtout ben, je comprends vraiment pas, parce que Flash ça cartonne, mais je comprends pas pourquoi ils ont décidé de venir le mettre si tôt quoi. Flash ils auraient pu attendre, vu que ils auraient pu justement diffuser Arrow, puis directement après diffuser Flash s'ils voulaient vraiment. Ben non, mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû diffuser Arrow bien avant TF1, ces abrutis là, et pas Ouais, attendre aussi. maintenant. Hein. Et puis à la Ouais, rigueur, comme puis j'avais déjà dit sur internet, TF1 ils ont 2 chaînes en bois, mais en bois massif. Hein. C'est HD1, il y a que de la merde, et NT1, il y a que de la merde. Donc, attends. ouais. Non mais HD1 c'est tellement une chaîne de merde qu'ils font des pubs en plein milieu d'une phrase. Comment Je sais pas ça? si. Bah t'as déjà regardé HD1? Non, je regarde pas ces chaînes-là, désolé. Bah une fois je suis tombé dessus, parce que j'ai la TNT en Belgique, et le mec il avait une phrase et le gars en plein milieu de la phrase ils ont coupé, c'était une pub. D'accord, ah oui, le C'est un montage truc de fou. entre... Oui, T'imagines comment oui. l'équipe technique elle est au top sur HD1 quoi. Et ils auraient pu très bien faire un truc, style le mardi, tu mets 2 épisodes de Arrow et le mercredi 2 épisodes de Flash. Enfin, tu vois, un truc cohérent, propre, bien fait, quoi. Pour concurrencer Agent of Shield sur W9, comme tu disais tout à l'heure, eux qui cartonnaient, je crois qu'ils ont battu des records à plus d'un million. Et en Ouais, fait, non, ils ont fait de la merde. je pense que la saison 2 et Agent Carter ils vont passer sur M6 justement, au bout de Non, ça. Agent Carter, ils se sont fait couper l'herbe sous les pieds, ça va passer sur TF1. Ah ouais, c'est TF1, donc c'est la saison 2 d'Agent of Shield qui va passer sur M6, je crois. J'ai les audiences, donc Arrow a fait 4,2 millions de téléspectateurs, c'est 19,3% du PDA. Et puis il y a eu Nina sur France 2, je sais pas du tout ce que c'est, avec 3 millions 4. Déraciner Oh des non. ailes en top 3, et qui est la taupe? En fait, c'était merdique, ça fait 2,4 millions. Ah, non, je te dis, ils sont leaders. En plus, là, c'est Ouais, l'été, les gens, ils commencent à effectivement, ils sont partir en leaders. vacances. Ouais. Ok. Bon, bah, donc, on va poursuivre sur Flash, mais sur la saison 2 américaine. Oui, donc ils ont annoncé, donc ils ont teasé et annoncé et confirmé qu'il y aurait plein de nouveaux héros. Donc on va pas dire citer la plupart, mais bon, on sait juste que ce sera pas mal de héros de la Justice Society. Maintenant, on sait pas si ce seront des de la fameuse Earth 2, vu que ceux qui ont vu la fin du final season, eh ben, on peut voir l'aperçu du casque du Flash de R2. Maintenant, on ne sait pas si ce seront des héros qui vont être réajournés dans la série Flash ou qui viennent d'une autre Terre. Et donc, on sait aussi que Barry Allen va avoir une nouvelle meuf qui portera le nom de Wendy, apparemment, qui sera un peu le copier-coller de Patty Spivo qui se trouve dans la série, dans le comics en fait. Donc, ce serait une scientifique belle, Ça, jeune, attirante. c'est ce qu'on suppose. Ouais, ben non, c'est les infos. Ben, c'est les infos, c'est le rôle, quoi. Donc, la meuf, elle s'appellera Wendy ou une connerie dans le genre. Moi, j'avais vu qu'ils voulaient mettre une connasse style Felicity, mais dans Flash. Et Ouais, donc, mais vu qu'elle est dans la c'est le même police, je concept, pensais sauf à Patty que Spivo, c'est en elle fait. en fait, sauf que ce serait un peu le modèle à la Patty Spivo, mais si tu regardes Patty Spivo Elle est dans pas le relou. comics, voilà, pas grand chose à voir, à part qu'elle dit Oh mon chéri, le temps passe trop vite. Ouais, mais elle est quand même pas aussi relou que Felicity. Ouais, mais Felicity, c'est pas comparable, c'est une série TV, et puis c'est le must du relou, quoi. Même dans le comics, je pense que Felicity, elle est pas aussi relou que dans la série Flash, la série Arrow. Mais dans le comic, je crois qu'elle a apparu vite fait, non? 3-4 épisodes et basta, non? Je sais pas, j'en suis pas arrivé là, moi je lis en VF à Arrow, vu qu'en plus, le moment où elle apparaît, il paraît que c'est devenu nouveau pourri, donc j'ai même pas suivi en VO. En fait, elle apparaît quand l'émir s'en va et qu'il y a Guggenheim, je crois, les mecs de la série télé qui récupèrent la série. Ils ont fait quoi? 5-6 numéros, si je dis pas de bêtises. Et là, ils ont bougé, il y a la nouvelle équipe créative. Ouais, donc voilà, donc j'ai pas encore lu ça, mais paraît que c'était vraiment à chier, mais ça m'étonne pas vu qu'ils ont mis Felicity dedans. Après, ouais, faut... Et donc la série Flash va revenir le 6 octobre, donc plus que 3 mois avant de retrouver Barry Allen. Plus que... Ah ouais, putain, c'est vrai, putain, ouais. Déjà, ouais. Déjà seulement, oh, encore, Ouais, seulement, ouais. encore moi je dirais, parce que c'est long 3 mois avant que Ouais, Flash revienne. c'est long, mais bon, il y a des séries qui ont fini beaucoup plus tôt, quoi, tu vois. Quand je pense à Game of Thrones, qu'il faut attendre encore un an, c'est mal au cul, quand même, tu Ouais, vois. ça c'est des séries des chaînes plus privées, Oui, du c'est câble, fait. bien sûr, bien sûr. Du câble, c'est tout, toutes les séries, c'est comme ça. Mais Bien sûr. d'ailleurs, je voulais juste revenir sur un truc très important. Quand, en fait, maintenant que j'y pense, qui est-ce qui a regardé un seul épisode, a réussi à regarder un épisode d'Arrow en français? J'ai mis hier vite fait, mais en faisant autre chose. Ouais, c'est horrible, t'as entendu les voix, ça colle pas du tout au personnage, c'est la pire VO du, VF du monde, je trouve. Bah après, il faut voir, parce que toi, t'es habitué aux voix VO, mais après, en arrivant de façon objective, en tombant dessus, est-ce que c'est... Ouais, est-ce mais que je veux dire, enfin, justement, moi, avant, je regardais beaucoup de séries en VO, il y a, je sais pas moi, 10 ans. Ouais, donc, genre, j'ai pas à l'époque de Lost et tout, ouais, j'ai regardé Lost. Ben, quand je regardais en VFVO, ben, les voix, elles se ressemblaient vraiment, mais là, ça colle pas du tout au personnage. Quand t'entends la voix de la petite sœur ou la voix d'Oliver ou de Felicity, c'est vraiment horrible, je trouve. Je sais pas, comparé à la VO, c'est vraiment un truc, ça m'a choqué, moi, perso. Ouais, ça fait bizarre. Moi, pour l'instant, un des plus mauvais doublages que j'ai vu, je crois, c'était sur Gomorrah. Là, les voix françaises, c'était catastrophique. Sur Arrow, ouais, ça fait bizarre, mais j'ai pas trouvé ça. Ouais. Bon, donc Arrow, donc on a appris donc Lexi Alexander, donc qui s'est occupée du film Punisher Warzone, elle pourrait réaliser quelques épisodes de la saison 4. Donc bon, moi je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle a fait, donc bon, moi je m'en fous, on verra bien. Punisher Warzone, c'est un bon film bien, bien trash. Ouais. Enfin, c'est un vrai film sur le Punisher, quoi, pas comme le premier film qui était sorti, qui s'appelait le Punisher. D'accord. Ouais, Spectra, toi, tu l'as vu, Warzone? Non, j'ai pas vu Warzone, par contre, j'ai eu des bons échos de Warzone. Mais moi, je me suis arrêté au premier, là, ça. Bah justement, le premier était vraiment. Enfin, c'était pas Punisher, quoi, c'était un film. On aurait dit un film de mec de repenti et tout, alors que justement, le Punisher, c'est. Bah, ceux qui le lisent en comics, c'est un putain de psychopathe, un gros taré. Bah, dans Warzone, ça lui rend bien hommage, je trouve. C'est Ah, vraiment le anti-héros, quoi. je le mettrai un de ces ah, quatre. c'est un gros barjot. Ouais, alors que justement, le premier Punisher, faut pas regarder, parce que le mec, il passe pour un bisounours, quoi. Mais Ok, il veut venger sa famille, mais. là, la saison 2 de Daredevil avec John Bernthal qui va jouer le Punisher, ça pourrait être assez énorme. Ouais, là ça va être énorme, ça c'est peut-être pas le bon podcast pour en parler, mais ouais, franchement, Ouais, mais ils font bien pourquoi? baver. Ouais, en plus, j'ai vu là vite fait des photos, il lit des comics de Garth Ennis, donc. Il a l'air impliqué, ça peut être assez énorme quand même, ouais. Bon, donc on continue sur Arrow. Donc ben Arrow, lui, revient le lendemain de Flash, comme d'habitude, donc le 7 octobre. Donc toujours les mêmes horaires, hein, Flash le mardi, si je dis pas de bêtises, et Arrow le mercredi. Voilà pour Arrow. Et ben maintenant, on va passer à la série consacrée aux Titans, donc, qui est renommée Blackbird, du coup, comme on l'avait déjà dit, hein, il y a quelques temps. C'est pas Ouais, il y a officiel 3-4 ans. encore, hein. Ouais. Non, mais c'est toujours en fait, c'est la même rumeur qui ressort encore et Ouais, c'est encore. ça. On en avait Ouais, parlé, je me rappelle de ça. on en avait surtout parlé il y a deux, genre 2-3 mois, je pense. Ouais. Qu'on trouvait même Et déjà ça très bizarre, le titre. la série serait repoussée, mais bon, en même temps, on n'a pas vu une annonce de casting encore, rien. Donc, Alors, c'est pas je veux dire, étonnant. la rumeur qu'elle sort poussée, ça me paraît justement pas du tout étonnant, vu qu'on n'a même pas de synopsis, on n'a même pas des, ouais, comme tu dis, des castings, on n'a rien, quoi. C'est juste que la série est en développement, mais. Il n'y a que des rumeurs de pseudo-synopsis et personnages, mais on en a vu 36 000 possibles synopsis de la série, donc tout ça est assez vague. Nous verrons bien. Ouais. Ensuite, on passe à ta série préférée, Vinch. Ben ouais, j'aime bien encore Gotham, j'ai regardé jusqu'à la fin, contrairement à toi. Ouais. Bah vas-y, hein, c'était pas ironique, hein. Non, c'est pas ma série préférée du tout, hein, mais ça passe, quoi. Ah, mais Je veux moi je dire, pour. respecte les good shots de chacun, tu sais très bien. Vas-y, Pour t'écoute. un truc. Et ça va, moi je suis pas. Moi j'ai pas. J'ai regardé pour me sacrifier pour le podcast. Il y en a un qui regardait par plaisir. Ouais, moi Oui, j'ai c'est regardé Spectra qui Constantine, kiffe. hein, pour me sacrifier. Ouais, donc, face à, ah, donc Harvey Dent deviendra régulier dans la saison 2 avec Lucius Fox pour défendre Gotham contre la criminalité. Donc la série reprendra le 21 septembre pour le plaisir de tout le monde. Alors dans la saison 2, ils vont encore aller plus loin dans le WTF-esque, enfin dans l'univers parallèle Batman, donc on aura carrément une origin story au Joker, et Mr. Freeze sera également dans cette saison 2 avec son origin story. Et donc Bruce Wayne va continuer son voyage pour devenir The Batman, malgré ses 11 ans et son 1m15. Ouais. Donc, et Jessica Lucas, qui a joué dans Cloverfield, Les Frères Scott, Beverly Hills, Big Mama, Pompéi, Grace Point pour être plus récent, joueur à Tigresse, je sais pas du tout qui c'est. Putain, là, des casseroles, hein, putain. Les frères Scott, Beverly Hills. Oh putain, ouais. Ouais, Big Mama. Et donc elle va jouer Tigresse dans la série. Ce sera une Tigresse. Voilà. Et donc James Frent, qui a joué dans Agent Carter et Sleepy Hollow dans cette saison 1, sera Theo Gallivan, ce sera. Ben, le frère de Tigresse, en fait. Donc voilà des personnages qui ont l'air très intéressants, qui vont se rajouter au casting et le synopsis de la saison 2. Enfin, quand on voit les grandes lignes de la saison 2 qui se dessinent, ça donne vraiment trop envie de suivre Batman 11 ans. Ça fait peur. De Gotham, ouais, carrément. Enfin, les mecs, en fait, j'ai pas compris. Je comprends pas leur kiff. Ils veulent faire une série préquel à Batman, ok. Mais pourquoi est-ce qu'ils essayent de foutre du Batman à fond tout le temps dedans? Ils avaient qu'à assumer à fond leur truc et faire un truc carrément préquel à fond. Mais là, on dirait Batman sans Batman. C'est pire que ce que Smallville avait fait, quoi. Ouais, Après, mais. ça marche. La cible, c'est la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, hein, je veux dire, c'est pas pour. Ouais, mais la série, elle cartonne pas non plus comme il l'avait espéré, je crois. Ouais, ça Enfin, je marche sais quand pas. même pas mal, hein. Ils sont à 5 ou 6 millions, je crois. Ouais, certainement, ça dépend. À un moment, elle est tombée quand même en dessous des 4 millions, je crois. Ah ouais? D'accord. Je sais pas, Moi, je vais retester quand même la saison 2, voir un peu où je ça peux va. regarder, mais faut vraiment pas la prendre comme un Batman, quoi. Faut pas te dire, Ouais, je bien regarde un sûr. préquel à Batman. Faut se dire, je suis une série sur un univers comics, Ouais, quoi, pas voilà, ouais. ça. C'est ça, ouais. Mais non, la série n'est Bon, en pas fait. totalement à chier, mais quand tu le prends au pied de la lettre comme préquel de Batman, ouais, évidemment, ça risque de frustrer les fans. Et finalement, avec du recul, Gotham, je me rends compte que c'est finalement, enfin, de mon avis personnel, je trouve ça quand même bien naze, mais c'est enfin, la réal est quand même, la réalisation est quand même nickel, quoi. Donc du coup, ça passe, ça passe. Enfin, sauf le dernier épisode, mais. Oh, le dernier épisode, c'était vraiment le pire de tous, quoi. Ouais, j'espère qu'il y aura un fil conducteur, hein, parce que sinon, ouais, si c'est pour avoir une enquête par semaine, bon, ben voilà, moi, ce genre de série policière, ça me plaît pas du tout, quoi. D'ailleurs, la saison 1, elle avait pas du tout fil conducteur. On avait annoncé un truc sur le meurtre des Wayne que techniquement, on sait qu'il sera pas résolu avant genre, je sais pas moi, 30 ans. Mais là, c'était le fil conducteur pendant genre 3 épisodes, puis on est parti dans des délires. Avec des épisodes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Puis en fait, je pense que le plus gros fil conducteur, c'était quelle sera la relation amoureuse de James Gordon. Ça a été l'un des plus gros fils conducteurs de la saison, à mon avis. Et Moi, c'est justement, c'est fini en apothéose par. je vais retester, voir un peu. Et s'il n'y a pas de fil conducteur, ben je relaisserai tomber, je pense. Bon, je vais quand même voir où ils en sont. Ensuite, bon, Supergirl, ben voilà, la série débutera donc le 26 novembre, ou c'est novembre ou octobre? Novembre? Bonne question, novembre, je crois, mais. Ouais. Parce qu'il y en a un, il écrit comme un sagouin, donc on va dire 26 novembre et on va revérifier. Si le fil conducteur s'écrit le 26 nombre. C'est Vinch. C'est du belge ou Qu'est-ce. c'est quoi 26 nombres? Hein? Supergirl, et tu m'as mis début 26 no... novembre, putain. D'accord, ok, merci. J'ai écrit trop vite. Donc Mais 26 novembre. j'ai fait ça à minuit et demi, hein. Ok? Ah, d'accord. Parce que nous, on le fait harceler. Alors, on continue donc avec Legend of Tomorrow. Alors, déjà, première nouvelle, Phil Klemmer deviendra le showrunner de la série. Vous connaissez lui? Pas du tout. Vin, Écoute, tu connais? moi je le connais très bien, on a mangé ensemble la semaine passée, mais à part ça. On sait pas ce qu'il a fait, lui. Non, franchement, je sais pas du tout qui c'est. Ouais. Moi, les showrunners, je me suis jamais trop intéressé, à part quand c'est vraiment un mec hyper connu qui a fait de grandes choses dans sa vie, mais les showrunners de séries à la base. Je pense Ouais. que le mec il a travaillé sur Arrow ou un truc comme une connerie dans le genre, mais. Peut-être sur Flash ou un truc dans le genre. Enfin, je pense que le gars est pas inconnu, mais sinon je sais pas du tout qui c'est, Ah non. non, je crois que si je dis pas de la merde, je crois que c'est un pote à Berlanti ou à l'autre là, ou à un des deux producteurs. Il avait déjà travaillé sur des séries qu'ils avaient fait par le passé. Je crois que ça me revient. Mais alors, quelle série? Alors là, aucune idée. Ils ont des casseroles aussi, non? Ils ont fait des séries bien nazes avant, non? Avant Arrow et tout ça. Ouais, je crois. Alors, je sais plus ce qu'ils ont fait précisément, mais je crois Ouais. qu'il y avait quelques trucs. Pas terrible, ouais. Faudra qu'on revérifie, ouais. Et du coup, la série Legends of Tomorrow qui est repoussée au printemps 2016. Ouais, ça c'est bizarre, on pensait que ça allait être pour cet hiver, et en fait il y a eu un tweet où il dit que est-ce qu'on est prêt pour la série pour le printemps 2016. Donc il y en a qui l'interprètent avec le point d'interrogation comme s'ils savaient pas si c'était sur printemps, ou moi je le pense plus dans le sens où est-ce qu'on est prêt pour la série. Ouais, Et après il y c'est a quand la même une date derrière quoi. série. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une série qui a beaucoup d'envergure, je trouve, pour une série. Enfin, je m'attends à un gros truc quand même, donc maintenant, peut-être qu'ils ont pas envie de foirer et tout, quoi. Ou peut-être que Ouais. le tournage a pris plus de temps, parce que c'est quand même un gros truc. Il y a C'est beaucoup vrai. d'acteurs, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de décors, etc. Donc. On verra bien. Perso, je préfère quand même qu'il soit repoussé de 2 mois et avoir un bon truc qu'avoir un truc un peu bâclé et merdique, quoi. Bien sûr. Berlanti, il a travaillé sur Green Lantern. Attention. Ouais, et en série télé avant? Non, tu sais pas. J'ai Everwood. C'est peut-être pas. Ouais, bon, laisse tomber. Super Hero Family, voilà, c'est ça. Avec avec le mec qui la série sur un flic ripou américaine. Michael Chiklis, là, The Shield. Ouais, voilà. Ouais, la série qui a été annulée au bout de 2 saisons, je crois. Super Hero Family ou The Shield? Ouais, Non, non, Super Hero Family, The Shield. ça a pas tenu bien longtemps. Ouais, The Shield, c'était complètement énorme. Ouais. Ok. Et Et donc. donc une rumeur de spin-off sur Hawkgirl qui a été démentie. Ouais. Ouais, maintenant, enfin, perso, quand j'ai vu la rumeur, j'ai trouvé ça un peu bidon, mais. Voilà quoi. En fait, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive dans un univers des séries CW, ben on dit qu'il va y avoir un spin-off avec ce personnage-là. Mais après, vu que machin, ils vont avoir Supergirl là, CBS, peut-être qu'ils vont se chauffer et qu'ils vont faire pareil avec Hawkgirl. Je sais pas, mais enfin, je sais pas, il y avait eu la même chose avec Atom, on avait dit ouais, Atom il va avoir sa série à lui. Ouais, mais là c'est pour avoir un public différent. S'ils voient que Supergirl ça marche, ils vont essayer le coup avec un personnage féminin. Ouais, pourquoi pas. Et il y a la news qui est tombée, la news à clic, putain, la news que tout le monde s'en bat les couilles, c'est qu'en fait, donc tout le monde affiche Vixen a été casté, et en fait c'est de la merde, ils ont casté le doubleur, enfin la doubleuse du personnage dans la série animée qui va sortir. Oui, Ouais, j'ai la vu fameuse ça, série qui va ouais. sortir, ouais, j'avais entendu parler, Ouais, je qui crois serait que. en lien d'ailleurs avec Ouais, dans le les même séries live, non? univers, en dessin animé, 6 épisodes sur la chaîne digitale CW Seed. Mais bon, enfin bon, les doubleurs, enfin bon, Qu'est-ce qu'on s'en fout? on s'en fout un peu, ouais, complètement. Et donc, on poursuit sur Constantine. Et oui, donc voilà, Constantine, et il est mort. C'est définitivement. Donc le mois passé, on vous parlait d'une possible reprise. On avait fait un petit débat sur quelle chaîne pour le reprendre. Et bien, on a appris ce mois-ci que malheureusement, John ne reviendra plus. Donc voilà, après une saison, je sais même pas s'il y a eu une fin à cette saison, à cette première saison, mais en tout cas. C'était une fin ouverte, non? T'avais fini Ouais, avec ça quoi, toi? termine. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu scandaleux que ce soit Vinch qui balance cette news-là. Moi qui me suis Ouais, tapé le toute la mec. saison 1. Alors que le mec, il a même pas fini le premier épisode, quoi. Ouais. J'avais trouvé ça un peu moisi. Enfin, j'avais pas été emballé. Et comme je me disais, la série, elle a peur de cartonner, j'avais pas envie de m'embarquer dans une série pour la voir finir après une saison. Et j'ai bien fait au final. Ouais, Ouais, c'est. non, t'as bien fait. Ouais, ça finit sur une. Oui, c'est une fin ouverte, hein, effectivement. Donc C'est voilà, pas mais. du tout une fin de série comme peut l'être la fin de la saison 3 de Arrow. Voilà. D'accord. Donc maintenant, peut-être qu'un jour on verra Constantine dans les feux de l'amour sur CW, mais en tout cas là, l'univers de qui avait commencé Ouais, c'est mort. avec je sais plus quelle chaîne, NBC, c'est fini. Donc John est parti au paradis des séries annulées après une saison. Ça va quand même, sur toutes les séries qu'ils ont lancées, DC, pour l'instant, il n'y a qu'une qui a sauté. Bah c'est pas mal, mais en même temps je trouve que Constantine, on l'a quand même un peu sacrifié dès le début, le gars est passé le vendredi à 23 h. Ouais, c'est clair, ça abuse. J'ai envie de dire, c'était quoi cette idée de merde de mettre une série si tard, et en plus à vendredi. C'est clair. Donc voilà, surtout que la série, quand j'ai regardé, était pas si trash comme que ça. Il était peut-être un peu plus gore que Supernatural qui passe à 20 h 50, ou 21 h, ou 20 h, je sais plus quoi. N'y avait pas un truc mystique aussi avant à ce temps-là? Peut-être qu'ils essayaient d'installer Ouais, un truc un peut-être. peu mystique, mais bon, apparemment, ça prend pas, quoi. Non. Et donc, Ok. voilà. Bon, ben on en a fini, on va passer aux news comics VF avec le Oui. planning d'Urban pour Ouais, juillet. donc voilà, le planning pour le mois qui commence, qui a déjà commencé. Donc les sorties que vous allez voir ce vendredi. Donc déjà, donc on a Geoff Jones présente Superman tome 6. La fin Gotham. de la collection, hein. Avec Ouais, Secret Origin, je crois. il reste encore un épisode, c'est Secret Origins. Non, c'est celui-là, il est dedans. Ah, mais il y a pas, c'est pas en 7 tomes, c'est Geoff Jones présente Superman. Ah, il me semble que c'est en 6 tomes. Je Oh, vais vérifier de ce pas. Je te laisse continuer, je vas-y, vais vérifie. vérifier. Donc ensuite là, nous avons effectivement le dernier tome de la magnifique, superbe série Gotham Central. Ensuite, nous avons donc le tome 2 de la très bonne série Earth 2. Il y a une nouvelle arrivée qui a été tant demandée et qui apparemment, je suppose, va vendre beaucoup et qui va être beaucoup appréciée. C'est Harley Quinn, tome 1, sortira. Ouais. Ensuite, nous avons Batman tome 6 qui n'est pas la suite du tome 5 mais qui est un recueil de tous les épisodes Qu'il y a entre les events. et donc il y a aussi le fameux Detective Comics 27 qui avait été fait pour l'anniversaire des 75 ans du Chevalier Noir. Ensuite, nous avons le tome 5 de la très longue série No Man's Land. Et pour finir, le dernier volume de la très mauvaise série Catwoman. Et donc ce sera le dernier numéro avant le relaunch de Catwoman Eternal qui sortira, on en reparlera, mais je pense que c'est septembre ou novembre, octobre, quelque chose comme ça. Donc sur le moi j'ai la sur le dos du Superman tome 5, ça va jusqu'au tome 6 hein, et qui est bien Alors, Origine secrète, donc donc je voilà, pense c'est le que ouais. dernier tome. Je pense ouais. Donc voilà, donc merci de la confirmation. Et donc ensuite, Urban a fait une breaking news teasing pour dire qu'ils publieront le fameux Flash de la série digitale pour accompagner la sortie de Arrow, de Flash pardon, à la En fait, TV. là, le comics digital dérivé de la série Télé Flash va sortir en cartonné à partir du 20 novembre Voilà, voilà, c'est 2015. ça. Mais c'est tellement Voilà. mauvais que j'ai du mal à faire l'annonce dessus parce que. Ouais, Et d'ailleurs, bah, ils ont annoncé la sortie du tome 2 aussi de Arrow. à ce moment-là aussi. Ouais, bah, ça, faut pas l'acheter, hein. Faut laisser tomber, quoi. Moi, j'en ai lu quelques-uns. C'est vraiment pour vendre des trucs, hein. Y a rien de passionnant. C'est du ultra, ultra, ultra classique. En plus, Donc. c'est pas beau les dessins, je trouve. Le style est particulier et ça amène franchement rien du tout. Voilà, c'est vraiment c'est du divertissement sans grand intérêt. Donc moi, je vous conseille de pas investir là-dedans. Ce qui est marrant, c'est que tu vois Barry Allen dans la série TV, il est maigre comme un clou. Puis tu le vois dans le comics, il a une carrure de rugbyman, le mec. J'ai pas fait attention. C'est vrai que les visages, ils sont pas trop ressemblants. Même le torse et tout, le gars, il est tout carré dans le comics, tu vois, c'est un truc de fou. T'as l'impression que Barry Allen, c'est un mec super basé qui fait du rugby, qui est sportif à crever. Mais en fait, dans la série TV, bah, pas du tout. Le mec, il est tout mince, quoi. Mais si encore l'histoire était intéressante, mais là Ouais, franchement aussi. ça amène rien du tout, hein. Honnêtement, laissez tomber. C'est du season 0 pourri quoi. Et donc ensuite la news aussi la super breaking news pour les gars qui vont aller se faire chier la Comic Con. Donc il y a Frank Miller qui sera du 23 au 25 octobre à Paris. Le fameux Frank Miller qui a fait des super comics et d'autres comics très pourris. Mais à mon Ouais, avis il sera là pour proposer son tout nouveau The Dark Knight Returns 3. Il sort quand Dark Knight Returns? Ils l'ont pas annoncé, si? Ils ont annoncé la date? Ouais non je fais pas. Je pense qu'il est là parce qu'il a reçu un maxi chèque en fait, hein. Ouais aussi peut-être, mais bon, mais je veux Voilà. dire, ils l'ont remis sur les devants de la scène parce qu'avant ça, le gars, on se souvenait tous de lui pour The Dark Knight Returns 2, le truc tout pourri, Strike Again. Ouais, mais après c'est une convention française, c'est la première grosse officielle du truc, alors ils attirent des gros noms quoi, même si c'est des gros noms controversés, on va dire. Enfin, c'est Genre controversé, mais en même temps, je veux dire, les gars, ils veulent faire un gros show, mais on est quand même à 4 mois du show. J'espère qu'ils vont pas hésiter comme il y a eu pour la PCE et la Lille Comics. Mais non, il y a Ouais, bah quoi? c'est sûr. Bah Il y a des après, gros sinon, noms et en même temps il n'y en a pas des si gros que ça pour le moment. On a quoi? On a Frank Miller, on a. y a Bendy, c'est quand même un gros Bendis, ça nom. c'est vrai que c'est vrai. Maintenant, Voilà. il fait que des Puis, signatures lui et il y a. Ouais, y a le couple qui fait Harley Quinn, Palmiotti et. mais il y avait un autre gros nom, mais j'ai oublié qui c'était. Faut dire que je Bah, m'intéresse pas trop encore à la Comic Con, je suis pas moi, il me sûr de. semblait qu'il y avait Palmiotti, Amanda Connor, Brian Bendis, et lui, hein, c'était les plus gros, quoi. Après, Ouais, t'as. d'accord. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un aussi de très connu qui allait, mais je sais plus qui. Enfin bon, Je sais j'ai vu qu'après il y a un tas de mecs qui ont rien à voir avec les juste vu qu'ils comics, sont mais bon. vraiment pas gênés parce qu'ils vendent pour. 50 euros le pass, non? C'est pas Non, ça? non, il y a un truc de fou, j'ai vu pour 240 ou 400 euros, un prix énorme, le pass VIP, et en fait, t'as juste droit à un putain de sachet à la con, de rentrer devant tout le monde dans la convention et de passer un moment avec un seul artiste de ton choix Oui, c'est ça, pendant j'ai vu. Ouais. Et quelques minutes, tu tu peux rentrer une demi-heure avant les autres. vois. Ouais. Mais bon, Et quand tu tu vois peux. le prix du bazar, c'est un truc de fou, tu te dis que pour ça, tu vois. Mais en plus, je crois que le truc, je crois qu'à ce prix-là, tu peux sortir autant de fois que tu veux de la convention, alors que les Ouais autres, je aussi. crois, une fois que tu y es, tu sors plus, quoi, en fait. Ouais, mais bon, faut dire, c'est quoi le délire de sortir et rentrer 43 fois d'une convention? Je sais pas. Non, mais enfin, si tu vas le matin, tu vas pas passer toute la journée enfermée, tu sais, à un moment donné, Je tu sais pas, sors, moi j'ai tu. été à la PC l'année passée, je suis arrivé à 9h et je suis reparti à 16h. T'as pas pété un plomb avec tout le monde dedans? Non, mais tu peux sortir, t'avais une cour à l'espace Champré, je sais pas si t'as déjà été dans ta Non, vie. non, je connais Mais pas. tu peux sortir, en fait, sinon tu peux ressortir et rentrer, mais t'as une cour, mais t'as juste un badge sur la main, enfin un truc collant là, tu vois, ultraviolet, D'accord. et voilà. Maintenant, je me Bon, suis bah pas voilà, barré enfin. loin, mais j'allais juste prendre l'air, puis je rentrais, quoi. Voilà, faire au moins un truc comme ça. Là, si tu peux pas sortir, moi je Ouais, pète un c'est plomb, hein. vrai que tu peux pas sortir du Sortir. tout, même pas Voilà. prendre l'air, c'est un peu bizarre quand même comme concept. Hein. Après, faut voir comment c'est agencé, j'en sais rien. Peut-être qu'aussi ils auront une cour. Mais sur le papier, c'est une grosse enculerie quand même. Hein. 50 euros le pass, ou je sais pas quoi. Quand j'ai vu les prix de la Lyon Comic-Con, je crois que c'était 8 euros le pass ou un truc comme ça. L'autre en face, t'as 50 euros. C'est un truc de ouf. C'est un truc de Oh, ouf. puis t'avais du beau monde, hein. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, hein, mais ça valait le coup à Lyon, apparemment. Ouais, apparemment, ouais, c'est clair. Hein. Bah, ouais. Bah, les équipes de Comic City, ils ont réussi à ramener du beau monde. Hein. Declan Chalvet, Jordi Belair. Et tu devais pas y aller, toi, Wally. Et moi je devais, mais voilà, galère de thunes et tout. T'as Mais pas l'année trouvé un prochaine, covoitureur, tu fais peur aux gens. ouais, même si j'avais un covoitureur, ça m'aurait coûté. Là, je suis en galère de sous, ça va bientôt aller, mais Là, ça me coûtait 25 € avec Blablacar, l'aller. Ouais, quand Donc, même. pareil le retour. Après, Spectra, il m'avait proposé de me loger, mais bon, malgré ça, faut manger et tout, ça m'aurait coûté trop cher. Et puis après, Oui. Blablacar, tu sais pas avec qui tu tombes, hein. Tu tombes avec un gros boulet, tu tapes 5 heures de boulet, c'est, tu vois, c'est assez périlleux, quoi. Oh, mais tu le tues, c'est pas grave, puis tu prends sa voiture. Bah oui. Donc je pense l'année prochaine, parce que j'ai vu les photos et tout, ça avait l'air cool. En plus, c'était dehors, en extérieur, voilà, ça, y avait pas l'air d'avoir trop de monde. Franchement, ça devait être vraiment cool. Bah, ça va. L'année prochaine. Bon, on va attaquer les News Comics VO avec le truc qui m'a fait rigoler, les pubs Twix dans les comics DC. Alors vous en avez pensé quoi? Franchement, ça m'a saoulé. Ouais, j'ai pas lu tous les jours, ouais. C'est affreux. Bah, déjà, enfin, le single, tu le payes déjà cher. Alors après, je sais qu'il faut foutre de la pub dedans, mais. Alors apparemment, je crois que ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas, je crois. Hein. Parce que moi, je les ai lus en digital, donc ça m'a. Tu vois, j'ai. Parce que bon, tu vois, en plus, maintenant, je lis pas mal de comics images où t'as vraiment zéro page de pub là-dedans. Alors quand tu tombes sur Nick Lachey en plein milieu de ton truc, là. C'est ouais non c'est un peu spécial. Après il y a Snyder qui a eu l'air de jouer le jeu, qui a fait balancer une petite pique au-dessus de la page de pub, mais Ouais, il bon y en a qui se sont plaints. Bon, après, c'est sûr que. Bon, moi, je l'ai lu en digital. Et après, quand il sortira en français, j'aurai pas la pub Twix. Donc, concrètement, quand je l'ai lu, enfin, je l'ai pas vu, cette truc, quand je l'ai lu. Mais après, voilà, faut se dire que. C'est quoi? C'est mieux d'avoir une pub Twix qui te prend 2 demi-pages et qui est compensée par une autre page complète. Donc, en gros, la page, tu la perds pas et tu le payes ça 3 $. Ou t'as pas de pub et tu le payes 5 $ le numéro. Ouais, non, mais bon, enfin, je peux dire, ça surprend hein, quand tu ouvres ton truc, tu tombes sur Nick Lachey, là, en plein milieu avec ses Twix. Toi, Vinch? Ben moi j'ai pas lu de VO donc mais j'ai en entendu parler, j'ai trouvé ça, quand j'ai vu l'image, je trouvais ça carrément merdique. Je me dis tu payes quand même, ouais, comme dit Spectra, le single, je sais pas moi, 3 $, 4 $, un truc comme ça. À En plus 4 euros, hein. t'as une demi-page de merde avec des trucs, tu t'en bats les couilles. Je trouve un peu scandaleux. Maintenant, je suis content de pas avoir lu d'avoir arrêté la VO en papier. C'est vrai que moi j'ai lu en digital et les pages. Donc du coup ils ont pas mis les pubs Twix en digital. Mais c'est compensé, le dessin il est pas sur la page en entier. Mais je me suis pas dit, tiens, c'est à ce moment-là qu'il y avait la pub en fait, tu vois. Ça a passé, de ce que j'ai lu, moi c'est passé tout seul en fait. Ouais, mais je sais pas si t'as vu l'image, mais au lieu de mettre une pleine page comme ils faisaient avant, en fait t'as une demi-case, enfin t'as une demi-page, puis t'as une demi la truc pub Twix, puis t'as une demi-page de comics, et puis t'as une demi-page de pub, tu vois, c'est con. Pourquoi ils mettent pas une grande page de pub Twix et c'est bon, comme ils Que s'il y font. a une grande page, tu vas la tourner d'un coup, alors que s'il y a 2 demi-pages, ben, t'es obligé de voir qu'il y a du Twix dans ton comics. Ouais, super. Tu vois, moi quand je vois ça, j'ai encore moins envie d'aller acheter du Twix. Rachèterai plus jamais. Moi, je trouve que c'est des polémiques en bois, ça, c'est. Ouais, Ouais, enfin ça bon. c'est con, je trouve ça merdique. Perso, niveau lecteur, c'est chiant, c'est pourri de l'éditeur de faire ça. Maintenant, on va faire une polémique dessus, voilà. C'est de la merde, point barre, quoi. Ouais. Je vois pas qui défendrait ce point de vue. Ensuite, on va passer donc toujours pareil, les variants de cover DC. Donc là, pour celles de septembre, donc pour fêter les 75 ans de Green Lantern, donc toutes les variantes seront sur le thème de Green Lantern. Donc voilà, c'est toujours sympa si vous voulez acheter plusieurs covers. Ensuite, on a vu qu'il y avait une date qui a été annoncée. Donc le 26 septembre 2015, ce sera le Batman Day aux USA. Donc ils vont faire. Il n'y avait pas eu un truc comme ça l'année dernière aussi? Oui, je crois qu'il y avait déjà eu le Batman Day. Hein. Il y avait un truc dans ce délire. Bah Donc oui, justement, l'année c'est. passée c'était le Batman Day pour la NIF de Batman, et vu que ça a tellement bien cartonné, bah d'ici ils sont d'ici si on faisait un Batman Day chaque année maintenant. Donc ils Comme vont encore si offrir des comics et compagnie, je pense. il n'y avait pas assez de délire avec Batman comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, faut voir que le fan de Batman, voilà, il va arriver, il va se taper des trucs gratos, quoi. C'est toujours cool. Vaut mieux Ouais. ça que rien, on va dire. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est clair. Ouais. On va pas être jaloux. On est pas Ouais. comme ça. Oh Ouais, moi je veux plus de trucs à Iron Man. Ensuite, on a donc Dan Didio qui parlait du mois d'octobre. Donc, bon, bah, théoriquement, au mois d'octobre, il y aura sûrement des nouvelles séries DCU qui vont être lancées. Donc, soit des nouvelles mini, soit des nouvelles séries. Donc, bon, on verra ça. Normalement, si tout se passe bien, on croise les doigts. Vu qu'ils ont fait leur convergence pourrie là, il n'y a pas longtemps, j'espère qu'il n'y aura pas leur event habituel de septembre qui sert à rien. Et donc, j'espère qu'on aura nos séries normalement et que cette année, ça va sauter, quoi. J'aimerais bien que ça saute le mois de septembre là, parce que alors surtout s'ils annoncent un si Didio annonce un truc énorme pour octobre, là septembre-octobre ça risque de faire long. Ouais. Non, mais je pense que ce sera des nouvelles séries, moi. Si Enfin, à je... la limite leurs trucs ils étaient bien, tu vois, mais bon. Après le Villains Moon, t'as ses moyens, le Five Letters tout pourri, et le Convergence hyper moisi, bah, tu te dis voilà quoi. Ouais, faut se calmer avec les events, faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Bah, je Bah trouve ouais. qu'il n'y en a pas tant que ça chez DC des events, mais le mois spécial ça fait chier. Bah, Ouais. c'est pas qu'il y en a tant que ça, c'est que eux ils en foutent tout le temps des caisses. Bon, maintenant c'est vrai que chez la concurrence Marvel, eux ils font des events, et ils font pas des events, ils font des crossovers tout le temps. C'est la différence, c'est qu'ils adorent les Ouais, mais ouais. crossovers. Ouais, mais là c'est, je sais pas, c'est pas vraiment une sorte, ouais, c'est pas vraiment un crossover, ouais, c'est un mois spécial. Ils se sont dit, voilà, ce mois-ci on va vous emmerder, on va faire ça. Voilà. Et il n'y a pas des crossovers toute l'année. Mais voilà, c'est vrai que s'ils pouvaient continuer leur politique sans faire le mois spécial, ce serait vraiment parfait. Parce que là, regarde, tu prends Justice League, il part sur un long arc qui va durer bon, je sais pas combien de numéros. C'est que dans la série, tu vois, ils vont pas faire chier les autres ou quoi. Il y a que Batman, je crois, qui emmerde le monde avec des tie-ins dans toutes les autres séries. Sinon, tous les autres, ils sont tranquilles. Bon, des fois Superman aussi. Ouais, Superman avec l'Obdell, ils ont quand même eu quelques trucs. Ils ont eu des trucs moisis, genre Hell on Earth là, Krypton Retourne, Ah ou ouais. tu vois, genre de Ouais, trucs de merde là, ouais. qui a impacté Ouais, toute mais les c'est séries. différent, à la rigueur. Ah Comment bon? dire, c'était en partie, si tu veux. Toi, t'avais une suite Ouais, par partie, l'autre alors c'est que ouais, l'autre c'est Batman, carrément des tie-in. ouais, Batman c'est des tie-ins, ça apporte absolument rien quoi, donc c'est encore pire. Non, mais l'event est Ouais. tellement pourri avec l'Obdell que ça fait quand même chier de devoir acheter ton comics et de lire de la merde. Je sais pas si tu les as lus, mais. C'est un autre débat. Non, non, moi Superman j'ai commencé avec Geoff Johns, là, en New 52, là. Vas-y, achète du Lobdell, là, comme ça tu vas voir Superman différemment. Non, non, mais ça va, Ah, ça fait ça va. mal, hein. Et le nerf, là. Ensuite, on a appris donc hier ou aujourd'hui, hier, que Manapool quittait Detective Comics. Par contre, je sais pas s'il part aussi de DC ou quoi, parce qu'il dit qu'il va avoir plusieurs projets, notamment en indé. Manapool, je crois qu'il se barre, hein. Il va faire que du s'occuper que de son créateur Hound, et il quitte DC. Hein. Ouais. Mais parce que moi, sur les news que j'ai vues, il n'était pas marqué qu'il quitte DC, c'était qu'il quittait Detective Comics, sous-entendu le titre. Non, moi j'ai Alors après, entendu aussi qu'il quittait DC pour se consacrer uniquement à ses titres à lui, qu'il je... voulait créer. D'accord. Non, parce que de toute façon, il peut pas écrire, il peut pas dessiner un tas de trucs. Et si c'est pour avoir une série écrite par lui chez DC, il peut partir parce que c'est pas un scénariste exceptionnel. Par contre, en tant que dessinateur, c'est une grosse perte parce que moi, c'était un de mes dessinateurs préférés. Ouais, moi aussi, franchement, j'avais kiffé sur Flash, je kiffe sur Detective Comics, ça fait chier. Et Franchement, puis ouais, c'est Buccellato quand même. la tour, il doit se barrer aussi, hein. Ah, mais Buccellato, c'est pareil. Au niveau des couleurs, il était très fort, mais au niveau des scénarios, Flash, c'est sympa comme série, c'est bien, mais ça a jamais été. Enfin, moi, je le suis depuis le numéro 1, ça a jamais été au niveau de Green Arrow de Lemire, par exemple. Bah, apparemment, son créateur Own, là, chez Image, Sons of Devil, je crois que ça s'appelle, il paraît que c'est vraiment bien, hein. Ah ouais, ben. Après, il y en a, ils sont plus doués pour l'indé que pour du mainstream, mais voilà, moi Buccellato, c'est sympa, ça passe, mais je me suis jamais dit, putain, le mec, il est monstrueux, quoi, tu Ouais, non, mais c'est clair, c'est pas renversant non plus sur vois. Detective Comics, mais c'était quand même. Ça fonctionnait bien, quoi. Si t'étais bien fan de Batman et tout, c'était quand même super cool. Et puis par rapport à ce qui avait été fait avant avec Daniels et puis Lehman, c'était quand même appréciable chez Lato Manapool, mais bon. Et ensuite, bon, c'est pas du comics, mais bon, donc le MOBA Infinite Crisis, donc il ferme définitivement ses portes le 14 août. Vous avez Ouais. déjà essayé de jouer sur PC? Ouais, j'y Non, pas du jouais des tout. fois, mais c'était bien, mais en fait, il est jamais vraiment sorti. Mais bon, Ben, il est la sorti. place des MOBA, ils sont quand même déjà bien implantés, puis voilà quoi. Ouais, je crois qu'il y a LOL et Dota 2 ou je sais pas quoi, mais Ouais, un truc dans le genre. le problème, c'est que je crois qu'il y a eu un an de bêta. Ouais, Un an de quelque chose bêta. comme ça, ouais. Ça a été très long, la bêta, etc. Ils ont jamais vraiment mis des moyens pour réussir. C'était assez fun à jouer comme ça, mais c'est vrai que ça manquait cruellement de joueurs. Et puis apparemment, enfin moi je suis pas un gros joueur de MOBA, moi je kiffais juste à jouer avec les super-héros. Mais apparemment il y avait un gros problème de souci d'équilibrage et de jeu en haut niveau. Donc les gros joueurs hardcore restaient pas quoi. Moi j'ai testé une fois, j'ai pas compris, tout le monde me traitait de noob et je comprends pas en fait, j'ai jamais joué à un MOBA donc en fait j'allais taper des mecs mais sans rien faire et je faisais que de me faire buter et on m'insultait mais en fait j'ai jamais compris les règles en fait. Donc j'ai joué quoi, une ou deux fois et j'ai laissé tomber. Non, en fait, tu dois péter des tours, tu vois. Ouais mais après t'as de petites cases en dessous, il faut prendre des pouvoirs, sélectionner des trucs, enfin il y a Ouais, des trucs bah à faire tu c'était vois. compétence en fait. Mais le but c'est de tuer c'était de tuer les petits, tu vois, qui venaient, puis de tuer les tours et accessoirement de tuer les autres joueurs, quoi. Parce que le but c'est que t'es les petits mecs qui courent, qui venaient avec toi là, bah, ils aillent détruire la base ennemie. Des fois c'était très long et tout, mais c'est vrai que c'est. Au début, quand tu commences et que t'as pas joué, bah, c'est assez compliqué. Tout quand t'as Ouais, pas de mais perso, puis après. quand tu comprends pas les sorts et tout, c'est. Mais ouais. À côté des Universe Online, c'est trop simple, quoi. D'ailleurs, j'en reparlerai, je m'y suis mis là. Mais ouais, c'est costaud le MOBA là, faut vraiment s'y connaître. Ouais. Bon, on va rester dans les jeux vidéo avec Batman Arkham Knight. Donc, Vinch, tu as eu l'honneur de Non, d'y jouer. Tu l'as fini? j'ai jamais joué. Non, si, j'ai joué, donc je l'ai eu sur PS4 et ouais, j'ai fini la trame principale uniquement parce que le jeu est quand même assez énorme. Donc, juste fini la trame principale, il m'a fallu quoi, une semaine à dose de 1 heure ou 2 de jeu par jour le soir. Ah, c'est raisonnable, hein. Bah ouais, bah, vu que je rentrais plutôt tard du boulot, je commençais tôt, tout ça, donc j'avais pas trop le temps de jouer, mais ouais, 1 ou 2 heures quand même par jour. Il m'a fallu une semaine, ouais. C'était franchement le jeu. Ben, je vais faire une rapide review. Donc, ça se passe quelques mois après la fin de Arkham City pour ceux qui ont joué. Alors là, on revient avec un tout nouveau méchant, donc l'Arkham Knight, qui en fait n'est pas du tout nouveau, mais bon, je ne vais pas spoiler l'histoire, Quantité. l'identité pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que vous allez le savoir. Mais bon, c'est juste, en fait, c'est ma déception du jeu parce que les Tu mecs captes nous. trop vite, Comment? ouais. Tu captes trop vite, qui sait? Bah déjà, tu captes, ouais, t'as vite des soupçons, mais vu qu'il peut dans un an, ils ont pas arrêté de te dire le personnage il est inédit, tu dis c'est pas possible que ce soit lui, tu vois. Et en fait, quand il te révèle l'identité du personnage, donc à la fin du jeu, ça c'est bien, il garde le suspense jusqu'à la fin, malgré qu'il te donne des indices, go comme le manoir Wayne, bah tu te dis, putain, c'est lui, alors que le mec, tu te disais, ouais, t'es déçu, parce que tu te dis, ils t'ont annoncé un nouveau perso, alors que le personnage il est pas si nouveau que ça, tu vois. D'accord. Sinon, il y a un truc. Assez non, je vais, en fait, je vais le scénario, je vais pas trop en parler. Je dis juste, pour truc, il y a quand même des 2-3 cliffs et des moments en fait très drôles avec un personnage qui revient, enfin qui revient entre guillemets, qui va vous suivre. En fait, il y a un personnage qui va suivre Batman pendant toute l'aventure, un vilain, mais ça va être assez énorme de voir ce vilain te suivre pendant toute l'aventure, ce qui va, il va carrément te casser avec la partie, je veux dire, dark du jeu, quoi. Donc, parce que faut savoir, donc tout le monde connaît le pitch. Il y a l'épouvantail qui arrive avec donc l'Arkham Knight. Il répand de la toxine de terreur. Il veut détruire Gotham, tout ça. Gotham, c'est un peu le No Man's Land comme dans le comics d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'ambiance. Mais donc il y a un personnage qui est un vilain qui va nous suivre pendant toute l'aventure. Et lui, bah, il va vraiment, bah, il va vous faire rire. Il va un peu casser cette tension qui se passe entre nous. Maintenant, les D'accord. graphismes sont vraiment, bah, sur console en tout cas, sont magnifiques. Je sais que sur PC, c'est vraiment pas du tout ça, vu que les gars qui ont des super configs, eh ben, ils ont Ouais, mais des le jeu il graphismes de était merde. pété là, je crois qu'ils l'ont enlevé du marché et ils vont Ouais, ils le l'ont ressortir retiré plus des tard. ventes. Ouais. Ah. Ouais, d'ailleurs, ça fait un scandale parce qu'apparemment, Warner Bros. Était au courant que le jeu sur PC était mal opti, mais bon, c'est bien connu, tout le monde s'en fout des PCistes parce que les gars du PC téléchargent. Donc, ils ont pas voulu optimiser leur jeu. Enfin, En soit. plus, je crois que c'est un autre studio en fait. Ouais, J'ai ils ont pas refusé, sous-traité un ils ont truc de sous-traité merde et tout, mais. un studio en bois, ouais. Ouais, mais apparemment ils étaient au courant que que le jeu ne tournerait pas, mais comme D'accord, ils s'en foutent en d'accord. fait. Enfin, comme par exemple Ubisoft l'a dit clairement, Warner n'ose pas le dire, mais je pense que c'est vrai. Parce que comme on sait, la plupart, il y a beaucoup de téléchargements sur le PC. En même temps, j'ai envie de dire, quand ils sortent des jeux tout buggés, je comprends que les gens téléchargent et achètent pas. Mais enfin, soit, c'est un autre débat. Donc moi je l'ai sur console. Maintenant, les graphismes sont vraiment beaux, la pluie, le costume. Donc on a la Batmobile, ça c'est un truc qui est. On est très content de l'avoir au début. À la fin du jeu, on est beaucoup moins content de l'avoir parce que les mecs, en fait, ils ont développé une Batmobile et une super grande ville. Mais le problème, c'est que c'est hyper bien fait, elle est hyper réaliste, il y a plein de gadgets. Mais ils l'ont. En fait, la Batmobile, c'est un personnage à part entière dans le jeu. Donc vous allez vraiment devoir l'utiliser et des fois, elle est surutilisée, quoi. Ah, ça c'est ce Donc, que j'ai vu, ouais. ouais. C'est tu l'utilises trop, ouais. Tu peux pas Ouais. te déplacer tout seul tranquille. Ouais, donc des fois, enfin, quand t'es en mode libre, t'as pas besoin de la Batmobile, mais en fait, dans le jeu, ils vont t'obliger à la prendre, ce qui est assez chiant D'accord. des fois. D'accord. Donc, et aussi, gros défaut, c'est les boss. Ça, c'est le Comme d'hab, truc. hein. Comme d'hab. Non, mais quand tu vois les boss d'Arkham City, ben, même Arkham Origins, t'as des vrais boss. Maintenant, en fait, les boss, Dans les quêtes annexes? c'est des quêtes annexes, mais ça Ouais. se passe quasi tout le temps avec les gros boss, c'est avec la Batmobile, en fait. Il n'y a Ouais. qu'un boss qui est plus ou moins intéressant, c'est l'Arkham Knight, et encore, c'est spécial. Mais ça, je laisse les gens découvrir, mais sinon, ouais, la Batmobile est un peu trop sous-exploitée, malgré qu'elle est vraiment stylée. Et le gameplay de la Batmobile, ça va, c'est bien ou c'est chiant? Ouais, non, franchement, moi j'ai bien aimé. Au début, t'as dur à manier parce que quand t'as 2 phases, t'as une phase donc pour rouler, une phase pour la contrôler, pour te battre. Le défaut de la phase pour te battre, c'est que t'es obligé de rester appuyé sur la touche sur PlayStation, c'est R2, je crois. Donc quand t'as, quand, au début ça va parce que t'as genre 2-3 tanks, mais à la fin t'as des trucs où t'as 12 tanks, 14 hélicos, 26 chars d'assaut qui t'agressent, tu vois. Donc tu restes pendant très longtemps appuyé sur cette putain de touche. À la fin t'as un peu mal au doigt, mais sinon, non, t'as, c'est bien géré la différence. Franchement, c'est bien fait une fois que t'apprends à la manier, elle est vraiment bien foutue. Ils ont vraiment bien fait ça. Batman aussi, les mouvements étant améliorés. T'as plus cette impression, bah, je sais pas si t'as joué à Arkham City, Arkham Origins, toi. Ouais, j'ai fait les Mais des trois fois, premiers, je les ai faits. quand tu bougeais avec le personnage, il faisait un peu, les mouvements partaient un peu en live et tout. Ouais. Maintenant, ils ont vraiment bien géré les mouvements. La physique du personnage est hyper bien réalisée. Et puis, les combats ont été améliorés, les combos aussi. T'as même Ouais, les des animaux. combos, tu peux faire des combos avec d'autres gars, non, de la Bat-Family, non, j'avais Ouais, vu. ça c'est. Enfin, j'en parlais juste après, mais. Ouais, même, je dirais même les combos de Batman, ils ont été améliorés, les animations sont beaucoup plus belles. Franchement, ouais, à ce niveau-là, ils ont hyper soigné leur jeu, le jeu il est hyper travaillé. Et donc, ouais, t'as des combos avec, avec la Batmobile, avec les autres personnages. Maintenant, ça c'est encore un coup de gueule que je vais dire sur le jeu. C'est que t'as des combos, en fait. Par exemple, Robin peut dans la quête annexe, à un moment il va venir avec toi, mais tu pourras le contrôler pendant. Dans je veux dire, un quart d'heure de la quête principale et tu pourras faire des combos et des combats. Nightwing, pareil, dans les quêtes annexes et quelques défis, tu vois. Tu pourras l'utiliser et c'est tout ce que j'ai pu voir pour le moment. Avec Catwoman aussi, mais c'est uniquement pendant des phases précises de jeu, tu vois. D'accord. Maintenant, tu te bastonnes dans la ville avec un gang de 30 mecs, et ben, tu peux pas appeler un de tes compagnons à la rescousse, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ah ouais, Et d'accord, ok. apparemment, c'est réservé pour les DLC vu que sur PC. Ah bah oui. Sur PC, il y a un mec qui a extrait le code et qui, en fait, tous les personnages ont toutes les animations, même pour se balader et tout. Donc, Ouais, vu le j'ai vu. season pass à 40 euros, je pense que en fait, tu pourras les utiliser, mais en payant le DLC. Ce choix un peu dommage, vu que Voilà, comme d'habitude, c'est ça quand même c'est. leur dernier jeu, les mecs, ils auraient pu faire un effort. Oh, c'est pas dit, hein, parce que j'avais vu aussi que j'avais vu une news là, comme Non, quoi. c'est différent, faut pas mélanger. Rocksteady Daily. Ah oui, Eux, Rocksteady. c'est leur dernier jeu, c'est fini. Par contre, Ouais. Warner, évidemment, on va pas Bah se j'ai vu leurrer. là. Les mecs, ils vont faire une suite. Hein. Enfin, ils vont faire une Warner, suite à Origin. j'avais vu sur internet là, il disait qu'il y avait une annonce de recrutement pour trouver un mec. Ah, mais c'est sûr. Et donc, bah après, c'était sur un jeu sur l'univers DC, donc ils peuvent très bien faire autre chose, hein, c'est possible, Non, mais mais à bon. mon avis, connaissant Warner, bah, vu que toute la franchise Arkham appartient à Warner, mais eux, ils ont demandé au studio, donc Rocksteady. De faire un jeu, une trilogie, donc ils ont fait Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Maintenant, l'année passée, quand Rocksteady dit, ben, ils ont dit il faut 2 ans pour faire le jeu, ben, Warner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur propre studio, ils ont fait Arkham Origin avec les codes Ouais, et la mais faudra physique voir, de. mais je crois même que Rocksteady ça appartient à Warner. Faut Ouais, vérifier, c'est un mais sous-studio, mais je veux dire, voilà. ils sont un peu plus indépendants, je veux dire, de leur titre. Maintenant, il y a le titre Warner, le studio Warner qui avait fait Arkham Origins. Maintenant, quand tu regardes, si tu as joué à Arkham City et à Arkham Origins, c'est exactement la même physique du jeu, c'est exactement le même code de jeu. Ils ont rien changé à part qu'ils ont agrandi la carte, tu vois. Ouais, il est bien, mais c'est, on va dire, c'est une suite classique en fait. Voilà, il y a pas Il n'y a aucune de grosse amélioration, innovation. Oui, ils ont voilà, vraiment c'est. copié-collé, quoi. Oui, c'est une suite classique, mais après, fondamentalement, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il apporte rien de plus. Non, c'est pas C'est un quand mauvais même jeu, un. c'est juste que je veux dire, le niveau innovation, ils ont rien changé. C'est comme C'est si tu clair, c'est prends clair. les, comment ça s'appelle, les Assassin's Creed, t'as Assassin's Creed Black Oui, c'est Flag, ça. et puis Non, mais t'as c'est eu la. la suite, le Rogue Squad ou je sais pas quoi là. Et ben c'est, tu vois vraiment qu'ils ont pris le même jeu, le même code du jeu, les mêmes Bien mouvements, sûr. et ils ont copié-collé, quoi. À mon avis, je Ah pense oui. qu'ils vont faire, Warner va sortir peut-être une suite à Arkham Origins, parce que pour combler vraiment le trou qui se passe entre Arkham Origins et Arkham Asylum, parce que je vois pas pourquoi ils le feraient pas, tu vois, ils s'en priveraient pas vu que ça fait du fric, et ils vont reprendre simplement les codes source d'Arkham Knight, quoi. Oh non, c'est sûr, ça c'est la politique de tous les gros studios. Hein, Les mecs, ils peuvent le ils faire, font, hein, c'est à ils moindre coût pour amortissent, eux vu que le jeu est bien sûr. développé. Et quand tu vois le moteur graphique et le moteur physique de Arkham Knight, je vois pas pourquoi ils s'en priveraient vu qu'il est quand même. C'est vraiment le jour et la nuit quand tu joues à Asylum City et Origins, puis que tu joues à Knight, c'est vraiment totalement différent, quoi. Ils ont vraiment tout remanié et bien. Là, tu sens quand même un peu le next gen et le PC, tu vois un peu de différence. Les personnages sont beaucoup moins lourds aussi, etc. Mais sinon, ouais, c'est vraiment. J'ai bien aimé. J'ai fait vite fait le. J'ai commencé le truc avec Harley Quinn, c'est fun à jouer aussi. Maintenant, dans les jours à venir, avec mon Twitch de ma PlayStation, je vais essayer de faire un test pour le blog. Ouais. J'ai déjà commencé, j'ai essayé 2-3 tests, ça fonctionne, donc maintenant il faut juste que j'ai eu un moment pour record convenablement, et puis je ferai le montage et ce sera disponible pour les fans qui attendent ça avec impatience, j'en suis sûr. Sûrement. Donc sinon tu le conseilles à acheter, Ouais, c'est non, franchement, immanquable. si vous avez une Xbox One ou une PS4, achetez-le. Maintenant, vu tous les gens qui ont qui ont pété les plombs, ne l'achetez surtout pas sur PC, je vous le déconseille. Ouais, de toute façon, il est donc rien. À la limite, mais seulement sur Steam, tu peux l'acheter en gros de part, mais sinon, téléchargez-le, je sais pas, sur PC. Ouais, attendez qu'il ressorte. Ouais, ou attendez qu'il soit totalement corrigé si un jour il ressort, je sais pas. Sinon, je il paraît qu'il y a eu des retards. Il y a eu des retards dans les coffrets PS4 là. Il y avait une figurine et tout ça, elle a été décalée. Je crois que c'est encore une fois de plus reporté au 10 juillet, je crois. Ouais, je pense que c'était reporté parce que le studio qui faisait les trucs, enfin le mec qui sous-traitait, pas soit ça a été reporté. Mais... C'est des branques hein, quand même. Hein. Ouais. Entre le mec qui fait les statues, le studio qui fait mal le portage, c'est ouais, des branques. Il y, a, hein. il y avait eu l'édition Batmobile aussi qui me faisait quand même grave envie, mais elle a carrément été annulée ouais, à une semaine de la sortie. Ouais, c'est... Enfin, ils ont un peu foiré le coup pour leur dernier jeu, je trouve que. Niveau marketing, ils ont un peu foiré le truc, surtout qu'ils avaient quand même repoussé le jeu de 6 mois à la base. Donc, ouais. Enfin, sinon, ouais, niveau jeu et niveau quête annexe, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Il n'y a pas de quoi se faire chier. T'as une bonne cinquantaine d'heures de jeu, je pense, devant toi. En plus, t'as le New Game Plus qui te permet de rejouer, mais en mode je suis la nuit, un truc comme ça, donc en mode hyper difficile. Donc, ceux qui aiment bien, qui ont bien aimé les autres, franchement, foncez. Ok, bon, on va passer au review Comics VF, donc avec JLA Tome 0 Year One de Mark Waid et Barry Keaton, si j'ai pas de bêtises. Donc, ce tome, je l'ai ultra kiffé, donc en fait, bon, c'est sur le même principe que Batman Year One et tous les autres. Et donc là, par contre, donc, c'est la Justice League est formée, mais pas avec les personnages habituels, et c'est ça qui est bon en fait. Donc là, dans l'équipe, il y a Flash, Martian Manhunter, Aquaman, Black Canary. Et c'est qui le dernier que j'oublie ? T'as dit qui ? J'ai dit Flash, Aquaman, Black Canary, ah voilà, Green Lantern et Martian Manhunter. Voilà, c'est l'équipe, c'est eux. Et donc en fait, ça c'est une série, enfin c'est un tome, moi je le conseille à tout le monde, même ceux qui débutent ou quoi, ou ceux qui viennent de commencer les New 52. C'est pas dans la continuité actuelle, ça n'a rien à voir. Mais au travers de l'histoire, en fait, ça permet de découvrir pas mal de personnages de l'univers DC. Donc, on va à un moment donné tomber sur la Doom Patrol, sur l'escadron Black Hawk, je crois que c'est ça. Et après, ça aborde un tas de concepts de l'univers DC. Donc, c'est vraiment, c'est ultra passionnant. L'histoire, bon, ben voilà, c'est quête habituelle. Donc, il y a un vilain derrière tout ça, mais en fait, t'as pas que cette histoire-là, t'as d'autres intrigues, t'as d'autres fils rouges en parallèle de tout ça. Et donc, tout ça s'est mélangé, plus la découverte donc, de l'univers d'ici. Et le tout fait que, voilà, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Il n'y a que la fin, c'est une fin un peu classique. Mais globalement, moi, je le conseille à tout le monde, ce tome. Vinch, ton avis ? Moi, non, j'ai bien aimé aussi. Au début, j'avais un peu peur avec les dessins plus oldies, je vais dire, parce que des fois, j'ai du mal. Au début, pareil, ça m'a fait bizarre. Ouais, après, donc, je me suis dit, putain, merde, j'espère que ça va pas être un truc. Parce que tout le monde m'a conseillé, donc j'ai acheté les yeux fermés. Et je me suis dit, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, putain, je sens que ça va être un truc oldies à la con, qui écrit pour limite des enfants de 12 ans et demi. Mais en fait, j'ai super kiffé aussi. J'ai bien aimé comment c'était écrit, l'histoire et tout. Franchement, ouais, je suis tout à fait ton avis, je le conseille. C'est un bon comics, franchement. Il est pas très très vieux, mais il est écrit un peu en mode old school. Ouais, mais il fait pas non plus ringard, voilà, parce que je veux dire, il y a certains comics old school, où comme j'avais dit, genre la légende de Batman, certains vont peut-être me détester, mais bon, c'était vraiment du style « Oh mon Dieu, un méchant est dans la maison, vais-je le retrouver ? Oh là là, ouais, où est-il ?» Alors que le mec est derrière lui, tu vois, mais là, c'était vraiment bien écrit, j'ai vraiment bien aimé. Mais là, ce qu'il y a, c'est que le mec, il se donne exprès un style old school, mais pas trop en fait, et donc en fait, ça a un peu c'est ça qui fait le charme du truc, c'est pas vieux, mais ça s'en donne l'air, on va dire, avec les dessins qui vont bien avec, et du coup, ouais, c'est... Franchement, à lire, c'est franchement, c'est impeccable. Tu découvres un tas de trucs, tu retrouves un tas de concepts. Il y a un tas de personnages qui passent, qui repassent. Bon, après, à un moment donné, tu vois Superman. Voilà, il team avec d'autres super-héros. Mais voilà, franchement, c'est super frais. Et puis, comme je dis, voilà, il n'y a pas les personnages habituels. Et tu les croises un peu, mais c'est pas eux qui sont en tête d'affiche. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Moi, je le conseille à tout le monde. C'est un des meilleurs trucs que j'ai lu pour l'instant, là, cette année. Tu l'as pas acheté, Spectra ? Non, pas encore. Là, j'ai pas trop acheté de VF. Là, j'ai acheté de la VO à mort. Donc, j'ai juste acheté Green Arrow tome 2 là. Donc, Jeff Jones présente. Ah non, Green Arrow tome 2, pardon. Ouais. J'étais pas vu. Putain, je suis à la bourre sur celui-là aussi. Ouais. Ok, on va passer à Futures End tome 1, Vinch. Ouais, donc je l'ai fini il y a quelques jours. Mais ouais, j'avais commencé en VO. J'avais pas du tout accroché en VO. Là, mais en fait, c'est un peu le même constat que. Eternal, ouais, franchement, en VF cartonné comme ça se lit 100 fois mieux qu'en VO ou en single, parce que là on a l'histoire quand même qui se suit, donc on n'est pas trop perdu, parce que ça part quand même dans tous les sens. Au début ça va encore sur les premiers numéros, mais à la fin, au plus on avance, au plus ça part dans tous les sens, mais le fait d'avoir des numéros condensés, qu'on est pris dans l'histoire, que c'est un rythme assez soutenu, Et en plus, tu lis les pages, comment? c'est quoi? C'est 15 euros pour 13 numéros, non? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, donc franchement, niveau Le prix, prix, ça vaut le coup, quoi. Ouais, non, mais comme tu dis, franchement, ça se lit bien, le truc, les dessins sont assez agréables, etc. L'histoire n'est pas non plus, n'est pas des plus mauvaises. Donc tu lis assez, t'es pas perdu comme tu l'étais, tu pouvais l'être en single. Parce que moi, j'avais commencé en single, j'ai arrêté parce que c'était une horreur à lire, même si c'était hebdomadaire le truc. T'avais tellement des trucs qui partaient dans tous les sens que, après une semaine, des fois, tu te disais, putain, c'est quoi le délire avec ce que t'as vu C'est la ça. semaine passée. Mais là, comme tout se Oublié, ouais. suit, C'est bah, ça. c'est vraiment, ouais, franchement, j'ai bien aimé, j'ai redécouvert Future Ends, donc je trouve que c'est. Je trouve déjà que c'est une meilleure série que ce que j'avais lu au début. C'est un peu la même chose qu'Eternal, donc Bah, ce qu'il y a, c'est. c'est vrai que Future Zen, ça part encore plus dans tous les sens que Eternal. Et donc, t'avais un numéro par semaine avec à chaque fois une intrigue différente. Donc, des fois, tu récupérais une intrigue d'avant, 4 numéros après ou 3 numéros après. Bah, t'avais tout oublié directement, en fait. Ouais. Et là, comme c'est condensé Ouais. en un tome, c'est bien le seul truc que je regrette, c'est que le prochain tome il sort qu'en octobre, donc. C'est juste un peu dommage, mais je vais dire, sinon c'est bien. La façon dont ils condensent ça, etc., c'est pas mal. Et sinon, ouais, je vous conseille de lire parce que c'est quand même un truc un peu important, entre guillemets, dans. Le problème, c'est que ça va amener à convergence, quoi. Mais Ouais, bon, après, voilà, c'est ça, quoi. si on lit l'histoire pour ce qu'elle est, après, ouais, ça peut. Ouais, maintenant, le. Maintenant, M'a je. donné envie de les faire en VF, tu vois. J'avais aussi arrêté en VO, pareil, pour les mêmes raisons, mais là, tu m'as donné envie de m'y remettre. Bah ouais, bah si t'as l'occasion ou quoi, un moment, ou même de. Enfin, je sais pas, toute sorte de cases, ou si t'as l'occasion de le trouver à 15 euros, bah franchement, c'est pas mal, ça se laisse lire, et j'aime encore bien, franchement, les séries hebdomadaires que j'avais commencé en VO, que j'avais trouvé merdique, bah je suis content de les relire en VF, en fait, que Ruben les propose en hardcover, parce que ça améliore la qualité de la série, je trouve, de les lire en un seul tome. Donc voilà, donc je vous conseille, et ça a été une bonne lecture pour moi, et j'ai hâte de lire la suite en En octobre. octobre. Voilà. Ok. Bon, on va finir avec les reviews comics VO. Donc là, y a du lourd parce que Spectra, il s'est lâché ce mois-ci. Ah, Alors, on va ça, bah, commencer c'est clair. avec. Après Convergence, là, je suis devenu complètement maniaque. J'ai tout acheté. Alors, Action Comics 41, donc par Greg Pak et Aaron Cooder. Donc, en fait, c'est avec le bandeau Truth. Donc, vous retrouverez ce bandeau sur tous les titres Superman, donc Action Comics, Superman, Superman Wonder Woman, Batman Superman. Mais c'est pas un crossover en plusieurs parties en fait. Vous pouvez suivre la série que vous voulez indépendamment des autres. C'est juste que voilà, c'est le bandeau qui veut dire. En fait, c'est le nom du statu quo, on va dire, actuel. Donc, en fait, le statu quo actuel, bon, là, on va spoiler. Si vous êtes lecteur VF, laissez tomber. Donc, l'identité de Superman, elle est connue de tous. On ne sait pas encore trop pourquoi, même si on a eu des pistes qu'on se doute hein, dans Divergence, on a vu 2-3 trucs, et dans le numéro 40 de Superman, je crois aussi, il y avait eu des pistes. Donc là, voilà, il est connu de tous. Et donc là, en fait, on retrouve Clark qui fait un peu le tour des États-Unis pour se faire oublier. On a une scène de baston à un moment donné dans une station-service, donc c'est assez kiffant. Et puis après, en fin de compte, finalement, il va devoir retourner à la Métropolis, et là, il va devoir affronter une nouvelle menace. Voilà. C'est un numéro divertissant, c'est assez léger, il se passe pas énormément de trucs. C'est assez bizarre de voir que toute la police, ils veulent arrêter Superman, alors que jusqu'à maintenant, c'était un dieu. Donc voilà, le problème c'est que niveau éditorial, ils nous demandent de nous référer à des numéros 42 ou des trucs comme ça d'autres séries qui sont pas encore sorties. Donc ça c'est un peu merdique. Donc du coup voilà, c'est un peu superficiel, on sait pas tout, on le saura probablement je pense ce mois de juillet dans les autres séries. Sinon le numéro en lui-même, au niveau des dessins c'est assez propre, moi j'aime bien le style, je me suis bien habitué. Et puis au niveau de l'histoire, voilà, c'est sympa, c'est fun, on voit Clark en moto, en mode Banshee, comme tu disais, Spectra. Et donc, j'ai bien kiffé le numéro Spectra. Ah, j'ai bien aimé aussi, du coup, c'était mon premier numéro d'Action Comics. J'ai bien aimé le dessin, là, Aaron Cooder et tout, dans son dessin, son découpage des cases et tout. Je trouvais ça cool. Greg Pak, je savais qu'il écrivait pas trop mal Superman quand même. Et puis, ouais, en mode Banshee, comme ça, c'est plutôt sympa. Non, j'ai bien aimé. Là, j'ai le 42 qui est en attente. Ouais, il est sorti hier. Ouais. Ouais, donc voilà un bon numéro. Si vous avez jamais lu de Superman et que vous souhaitez vous y mettre, vous pouvez commencer par ce numéro-là. Ah ouais, c'est un bon Ça. point d'entrée, hein. Ouais. Enfin, comme tous les numéros du DCU de toute façon, mais Ouais. celui-là particulièrement. Je crois que les trois quarts des numéros de ce mois-ci, tu peux commencer par là et t'es pas perdu, quoi. Donc ouais, un bon numéro, un numéro sympa quoi, un numéro fun. En attendant après voir un peu jusqu'où ça va, mais pour l'instant c'est léger, c'est fun. Ensuite, bon, on continue donc dans la famille Superman avec le 41. Donc du coup, premier numéro écrit par le nouveau scénariste Yang, qui prend la suite de Geoff Johns, et toujours Romita Junior au dessin. Donc numéro que j'ai trouvé plutôt sympathique aussi, où Olsen et Kent enquêtent sur un... suivent en fait un dictateur africain, j'ai l'impression, à qui les Américains vendent des armes, et bon, se font repérer, ça part un peu en couille, et Superman est toujours dans son trip d'essayer ses éruptions solaires, là. Le numéro est vraiment, vraiment pas mal, hein. C'est dans la bonne continuité de ce qu'a pu faire Jones pour le moment. Et Après, je veux d'ailleurs, on sait. pas trop spoiler, mais en tout cas, le fait principal du numéro, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît l'identité de Superman et qui le fait chanter à fond, quoi. Quand donc ce numéro-là, il se déroulerait avant le Action Comics, en fait. Oui, il se déroule avant l'Action Comics. Tu l'as pas lu, du coup, D'accord. le... Je l'avais commencé et puis non, je l'ai pas fini en fait. Donc Ouais. ouais, donc en fait, le Action Comics, il est sorti le premier du mois et il se déroule après celui-là. Ah, il Ouais, se à mon déroule avis, avant celui-là, ouais, d'accord. il se déroule bien après le Superman 41. Parce que là, Et on. il a encore sa tenue, il a sa tenue, il a ses pouvoirs correctement, donc... Voilà, parce que là, dans le Action Man, il a plus de pouvoir, enfin moins, et on sait plus trop si c'est par rapport au truc solaire ou pas, ils nous ont pas dit, donc faudra voir. C'est vrai que ça, c'est dommage qu'ils aient fait de la merde à ce niveau-là. Oui, parce que dès que Superman balance son Solar Flare, en fait, il perd ses pouvoirs pendant une durée de 24 heures. C'est ça. C'est juste dommage que ce soit mal fait éditorialement, mais après, moi je l'ai pas lu à Superman. Hein. Mais bon, apparemment, tu dis que c'est bon quand même. Ouais, franchement, c'est bon. Là. Enfin, pour l'instant, l'auteur, ça change quasiment pas de Jones, quoi. C'est du Après, style. il met D'accord. Superman dans une position qui peut un peu, qui pourrait un peu faire débat, mais bon, à voir. Oui, bah oui, après, il y a du changement. Hein. C'est sûr qu'il y a du changement. Donc. Ensuite, on va poursuivre donc avec Superman Wonder Woman 18 par Tomasi Dougmanki. Donc là, bon, ben, on va voir donc Clark qui va être appelé à la rescousse à Smallville par Lana. Et donc en arrivant sur place, il va se rendre compte qu'elle a disparu et également que sa maison, la maison de ses parents, donc à Clark, ainsi que la tombe de sa famille, donc elle a disparu. Et donc voilà, donc il va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis à un moment donné, il y a une scène sympathique où il rencontre un habitant qui va lui dire qu'il faudrait qu'il quitte la ville parce qu'à cause de lui, il y a toujours un tas de soucis. Et voilà, là c'est pareil, il n'y a pas énormément de choses qui se passent. Voilà, c'est peut-être plus, je pense, un numéro en hommage à Lana parce que Clark, il n'arrête pas de parler d'elle à Wonder Woman qui, du coup, dans le numéro, fait un peu potiche. Elle sert un peu à rien en fait. Et donc voilà, là c'est pareil, c'est un numéro léger, sympa, c'est pas désagréable quoi. Faudra voir après où c'est qu'ils vont tous ces numéros, s'il y a un peu plus de tension. Là, la dernière page de Cliffhanger, il est assez intéressant. Voilà. Ça manque plus qu'une montée en puissance, mais bon, en même temps, vu que c'est des jumping points, c'est sûr qu'ils vont pas commencer direct à fond les ballons. Mais bon, ouais, c'est sympa aussi. Et là, par contre, les dessins, je les ai trouvés splendides. Généralement, Doug Mankey, j'aime pas, mais alors là, je trouve qu'il s'est carrément gavé. Ben, quand il veut, là, c'était sur le dernier numéro de Multiversity, je crois, il est dessus. Ou sur un des numéros de Multiversity, en tout cas, il a vraiment fait un travail de fou. Mais je sais pas si c'est ce qui cloche avec lui d'habitude, je sais pas si c'est pas au niveau de l'ancrage en fait. Peut-être, C'est peut-être ça, peut-être. parce que moi je me rappelle le numéro de Justice League avant qu'il arrive Jason Fabok, c'était juste dégueulasse. Hein. Ah oui, c'était affreux, ouais. Et là, j'ai pas reconnu, je le trouve magnifique. Même sa Wonder Woman, généralement, elle a une vieille gueule. Et là, je trouve qu'il s'est bien gavé. Ok, alors ensuite, on passe au Batman 41. Le fameux Batman 41. Suite aux événements d'Endgame, il va y avoir du spoil hein, quand même. Donc, suite aux événements d'Endgame, Bruce Wayne a disparu, ainsi que le Joker. Pour contrebalancer à l'absence de Batman, une entreprise qui s'appelle Powers Incorporation, je crois, décide de créer son propre Batman en collaborant avec les services de police. Donc, du coup, ils prennent Jim Gordon en Batman. Donc, en fait, le numéro, ça se concentre la première mission de Gordon en tant que Batman, hein, et en parallèle sur comment il a accepté d'en arriver là et tout, et quelques échanges bien, bien acides avec Harvey Bullock. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment kiffant. L'histoire, elle est vraiment bien, c'est super drôle, c'est bien amené. Snyder, il se gave vraiment dessus. Je trouve qu'il écrit vraiment bien Batman quand Batman n'est pas Bruce Wayne, en fait. D'accord, ok. Donc comme ça, il peut galvauder la mythologie de Batman sans problème. Là, pour moi, ça passe bien. C'est tellement what the fuck, mais en même temps, c'est super bien amené. Donc, Et apparemment, il se moque des critiques, non, en appelant son robot Bat Bunny et compagnie, non? Ouais, bah Gordon, direct, quand il voit le robot, il fait mais pourquoi je dois monter dans cette espèce d'armure de lapin ou. Ouais. Et puis quand il parle avec Bullock aussi, Bullock demande à Jim Gordon, mais pourquoi il te demande toi? Tu fumes comme un pompier, t'as 60 balais, et l'autre il est non, mais j'en ai 46 en fait. Donc non, c'est plutôt cool, franchement. Par contre, Capullo, pas top hein, sur ce numéro. Je l'ai pas vu, moi j'ai Batman, je lis pas, ça fait très longtemps donc ouais. C'était assez lambda au niveau du dessin. La colo, par contre, je trouve qu'elle déchire. Gotham en mode. Ça fait un peu genre Miami. Ouais. Et voilà, puis après un cliffhanger qui a pas mal fait gueuler. Moi, il m'a pas choqué plus que ça. Je préfère que ce soit comme ça en tout cas. D'accord. Bon, ça c'est pareil, les conservateurs, vous mettez pas qu'ils le lisent, ils vont avoir une crise cardiaque sinon, non? Ouais, non, mais c'est clair, si t'es vraiment fanboy conservateur à mort, c'est pas la peine. Hein. Il fera trop de mal à ta continuité, hein, c'est pas grave. Mais non, mais ça, Snyder, là, en tout cas, je trouve qu'il écrit vraiment. Qu'il est parti en tout cas pour écrire son meilleur arc sur le perso avec la Cour des Hiboux. Putain, tu vas te faire insulter, toi. Ouais, je pense. Personne ne me comprend là, sur les sites quand j'en parle. Moi, je suis fan en tout cas. Moi, j'aime bien les changements what the fuck comme ça. Ouais. Et du coup. Bah, toujours Batman. Hein. Bah ouais, Detective Comics. Donc, alors pour le coup, ça profite bien aux affaires de Buccellato, ce Bat Bunny, parce qu'il est parti. Dans une écriture un peu à la. Alors, j'ai pas lu Gotham Central, mais j'ai l'impression que ça s'en rapproche un peu, en tout cas, parce que finalement, on voit très peu le Bat Bunny. Et on voit beaucoup l'équipe donc de liaison de Batman, qui est composée de Bullock. Il ramène René Montoya aussi, non? Voilà, c'est ça. Et René Montoya qui revient donc pour l'occasion et qui est super bien écrite, assez intéressante. Et en fait, le Detective Comics, ça aurait pu s'appeler Bullock Montoya, quoi. D'accord. Donc j'ai lu le 41 qui était très bien. Voilà, là c'était. Alors Batman, c'était plus pourquoi Jim Gordon fait ça. Là, c'est plus pourquoi l'équipe de liaison décide d'intégrer ce système-là. Et j'ai lu le numéro 42 hier aussi qui était très bon. Alors franchement, c'est Detective Comics, là c'est pas mal. J'espère qu'au moins Buccellato va rester là. Bon, par contre, au niveau du dessin, c'est plus la même. Hein. Là, c'est Manapul. C'est Blanco? Ouais. Je connais pas. Je connais pas. Ça fait un très sympa, assez sombre. Je pense pas que Buccellato aurait pu faire un truc. Manapul aurait pu faire un truc aussi dark. Donc Blanco, ça va pas mal. C'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas mal. Et je crois que Buccellato, il disait, il va rester jusqu'à la fin de son arc. Hein. Je crois qu'il disait. Donc, je sais pas. Ouais. Ok, donc toujours sympa aussi. Ensuite, on va passer donc au Flash 41, le temps attendu. Donc là, on va spoiler aussi, parce que ça y est, il y a donc le professeur Zoom qui arrive dans le comics. Donc bon, certains diront que c'est parce que la série télé en parle, donc on le réintègre, c'est fort possible. Et donc en fait, le numéro, il commence, donc on a Flash qui se bat contre une espèce de vilain en bois, là. Et puis t'as Reverse Flash qui interfère. Il lui explique qu'en gros il va essayer de lui faire la peau. Et après en fait il bouge. Et le numéro il est pas mal centré sur le père de Barry. Donc Barry il va le voir en prison et il lui dit voilà je sais qui c'est qui a tué sa mère. Donc c'est Eobard Thawne. Et voilà. Et suite à ça en fin de compte le père de Barry en fait c'est un gangsta. Et il va s'échapper de prison. Donc voilà c'est assez léger. Voilà toujours pareil hein, faudra voir où c'est que ça va. C'est une bonne introduction pour qui c'est qui veut commencer là et qui vient de mater la première saison. Voilà, pour les lecteurs réguliers, ouais, c'est dans la continuité, hein, c'est sympathique, c'est pas transcendant, mais voilà, c'est sympathique. Les dessins, c'est du Brett Booth habituel, donc c'est dynamique, c'est classe. Voilà, rien qu'à voir, plus qu'à voir où c'est qu'on va. À noter que je crois qu'au mois de juillet, il y a un annuel qui sort, le Flash Annuel 4, qui va nous parler plus en détail donc des Hobart Town, parce que jusqu'à maintenant, il n'était jamais apparu dans les New 52. On avait un Reverse Flash, mais c'était le frère de Iris. Donc là, voilà, il débarque enfin dans les New 52 DCU, enfin, comme vous voulez l'appeler. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, c'est un bon jumping point, et puis sinon, voilà, c'est du flash, hein, c'est sympa comme d'habitude, c'est divertissant. J'étais un peu déçu Ensuite. du costume de Zoom, par contre, par rapport à la série. Ouais, là c'est différent, c'est vrai que dans la série, il a un costume noir, noir et jaune, c'est assez classe, là c'est plus classique, quoi. Moi, je suis plus déçu du costume de Flash, les teintes rouges et rouge sombre, je trouve que ça rend pas très bien en fait. Je sais pas Ah si oui, t'as fait c'est vrai gaffe. qu'il a changé de costume aussi, ouais. Ah, Voilà, bah j'ai même pas fait gaffe du coup. ils ont tous changé de costume sans raison valable, mais je trouve que ouais, c'est pas moche, hein, mais ouais, c'est pas terrible, quoi. Le costume d'avant, il était bien, quoi. Ils auraient peut-être pu tester un tout nouveau design ou aller plus loin, mais là, je trouve que ouais, c'est pas exceptionnel. Voilà, on va passer au Green Arrow 41. Alors Green Arrow 41 du coup écrit par Percy Percy et et dessiné Dirk. par Dirker. Alors moi du coup j'ai pas fini le run de l'émir, j'ai pas lu le run des auteurs La série de la télé. série Arrow, donc j'ai commencé là-dessus, donc je suis pas vraiment paumé du coup. C'est encore un bon jumping point, on peut commencer là-dessus. Oui, Mais une voilà, c'est série. ça, là, c'est un jumping point, hein, c'est une nouvelle équipe créative, voilà quoi. Tu peux commencer par là normalement. Il y a une série de meurtres, il y a une série de meurtres à Seattle. Arrow va s'en occuper. Il y a des éléments un peu mystiques avec une espèce d'oracle dans la rue qu'Arrow connaissait depuis qu'il était gamin. C'est assez sibyllin comme truc pour le moment. On voit pas tellement de Green Arrow, c'est plus du Oliver Queen. On revoit D'accord. Emiko, apparemment c'était bien parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Ouais, elle était dans le run de l'émir, elle, et quand ils sont arrivés, les nouveaux, pour l'éclipser, je crois qu'ils avaient dit qu'elle était à l'hôpital, qu'elle se remettait de ses blessures. Et après, j'ai pas suivi, donc là, il la réintègre. C'est vrai qu'elle, c'était un super personnage du run de l'émir, ouais. C'est clair. En tout cas, c'est un Green Arrow proche de la rue. Et voilà, je ne peux pas en dire grand-chose en fait pour le moment du coup, parce que c'est vraiment mon tout premier numéro comme ça en single. Donc, en tout cas, c'est plutôt bien dessiné, c'est assez dark hein, Voilà. niveau de l'ambiance. Jerker, il est classe, c'est celui qui avait dessiné, je crois, le Futures N0. Moi, j'aime bien son style. Ouais, franchement, non, c'est plutôt. Les visages sont assez expressifs, assez bien faits. Oliver Queen a une bonne gueule là-dedans. Donc, ouais. Il se rapproche vachement du Oliver Queen de la série. Hein. Ouais. Et Ouais, je lise. voilà. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Et fini les lunettes vertes. Ah ouais, il a changé, ouais. Ouais, et puis il fait un peu moins gamin que ce qu'il a pu faire pendant le run de l'Émir. Mais dans l'émir, il faisait. Ouais. Au niveau du style, tu trouvais qu'il faisait gamin dans Ouais, bah, il faisait assez jeune Oliver le. Ouais, c'est là-dedans. vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ben, putain, pour l'instant, on a eu que des bons trucs, hein. On a pas chié sur un seul truc, c'est assez rare quand même. Ouais, bah, puis je crois qu'on va. Ah, bah oui, bah tiens, Black Canary maintenant, du coup. Par Enfin. Fletcher et l'autre, je sais pas qui c'est. Wu. C'est une dessinatrice, elle. Ah oui, ouais, d'accord. Vas-y. Donc, c'est l'auteur de Bad Girl, hein. Ouais, Et c'est Brian Fletcher, ouais. franchement, bah pareil, là aussi, hein, encore une bonne surprise. Peut-être même un coup de cœur, j'ai trouvé ça super cool. Ça me fait un peu, c'est un peu la même tonalité que les séries indé entre guillemets de chez Marvel, quoi. Donc on a Black Canary qui a rejoint un groupe de rock et Ouais. qui peut pas terminer un concert sans se bastonner. Il y a une menace qui est. Il y a une menace qui s'approche comme d'habitude, mais c'est assez drôle, c'est super joli et ouais, c'est vraiment fun quoi. C'est vraiment D'accord. fun. Le Dans le personnage délire que Bad Girl? c'est moins girly. C'est moins girly que Bad Girl, Ouais, d'accord. c'est carrément moins girly. T'as pas tous les trips avec le téléphone portable et compagnie, les histoires de mecs et compagnie. Non, c'est pas comme Bad Girl. C'est plus sombre quand même. D'accord. Mais c'est assez original, franchement, j'ai bien aimé. Il s'est pas passé grand-chose hein, dans le premier numéro. C'est vraiment pour situer un peu le nouveau statu quo du perso. Mais non, franchement, ça vaut le coup. D'accord. Ensuite, on poursuit sur une autre grosse sortie, donc le GLA numéro 1 par Brian Hitch, donc au dessin et au scénario. Donc ça, c'était un numéro double, hein, si je dis pas de bêtises, qui coûtait 6$. Donc, bon, le pitch, hein, c'est pareil, là, c'est pas un truc hyper... il se passe pas énormément de choses. Donc, en gros, Superman, il est invité par une organisation. Et là, il va arriver, puis il va découvrir des cadavres d'autres Superman qui sont, eux, d'autres dimensions. Donc, voilà, il va être là, il va voir un peu ce qui se passe avec l'espèce de scientifique fou. Et à côté de ça, tu as chaque membre de la GLA qui est invité dans une usine qui produit une énergie durable nouvelle. Et là, donc, ils vont affronter Parasite. Et donc, voilà, donc les trois quarts du numéro, ça va se centrer sur le combat entre la GLA et Parasite. Et en fin de compte, ben, après Superman, il va venir leur filer un coup de main. Voilà, ouais, c'est de la GLA classique, mais divertissante. Apparemment, ça va se passer, cette série va se situer pendant les 5 ans qu'il y a eu entre le premier arc de Justice League et le deuxième, les fameux 5 ans où ils ont appris à se connaître. Voilà, bon, c'est beau, ça dépend des cases, mais généralement c'est quand même bien classe. L'histoire elle est intéressante, ça casse pas trop patin et canard, mais ça reste intéressant. Vous pouvez tester, ouais. Moi je trouvais que ça manquait d'avoir qu'une seule série sur Justice League, donc une deuxième, voilà, faudra voir où ça va. J'ai juste peur des délais parce que lui il est toujours à la bourre d'habitude. Et sinon, voilà, il n'y a pas de défaut majeur. Peut-être ouais, la caractérisation de Superman, le mec il est un peu violent, c'est un peu une carrière au début du numéro. Mais sinon globalement ouais voilà, ça fait le taf, ça divertit. Après voilà, c'est pareil, hein, c'est un numéro 1, donc faudra voir la suite, hein, voir où ça va. Tu l'as pas lu Spectra celui-là? Non, du coup, quand j'ai voulu aller l'acheter à la boutique, ils en avaient plus, c'était parti super vite. De toute Ah ouais d'accord. Ouais non c'est. Faudra voir. façon, la boutique en ce moment, ça traîne pas. Hein. Entre Secret Wars et DCU, là, il y a tout qui part super vite, quoi. Tu m'étonnes. Bon, on va rester sur Justice League avec le 41 par Jason Fabok et Geoff Johns. Je l'ai lu, mais je m'en rappelle plus. Donc, c'est toi, Spectra, qui étais chargé de faire la review. Alors, du coup, le numéro alterne entre une enquête policière, hein, de la Justice League sur un meurtre en fait qui a été créé par Kanto. C'est un suppôt de Darkseid, je crois. Là, ça, je l'ai lu il y a un moment aussi. Hein. Pareil, hein. Franchement, je me rappelle plus. Et en même temps, on suit Mister Miracle, alias Scott Free, le fils de Ah oui. Darkseid, du coup, qui. Eh ben, je sais plus ce qu'il fait non plus. Il essaie de s'échapper. Il essaie de s'échapper, c'est ça. Il se fight un peu avec papa. Et parallèlement, donc cette enquête de la Justice League qui va ensuite se faire défoncer la tronche Par la fille de Darkseid. par la fille de Darkseid avec une Amazone. C'est ça, ouais, c'est la fille de Darkseid et d'une Amazon, c'est ça. C'est un personnage. C'est un nouveau personnage, non? C'est un Je me nouveau rappelle plus. personnage, ouais. Ouais. Oui, je crois. En tout cas, dans les New 52, c'est sûr, c'est un nouveau personnage. Ouais. Et avec ça aussi, il y a Luthor qui se fait trahir. Ah oui, par sa sœur. Putain, ça fait longtemps. Oh là là, ça me revient comme ça. Non. Alors, en fait, c'est. Et à la fin, donc, il se bastonne contre la fille de Darkseid. Et pendant ce temps-là, lui, Scott. Ah oui, putain, Mister Miracle, lui, se frite avec Kanto et l'autre, son associé, je ne sais plus son nom. Et il se fait sauver à la fin par Myrina Black, la fameuse personne que cherchait Kanto désespérément au début du livre. Alors, c'est absolument pas clair du tout, mais le problème, c'est que il se passe jamais rien dans Justice League. Et là, Geoff Johns a mis des bouchées doubles et c'est super, super dense, quoi, au niveau du contenu et tout. Il y a plein, plein de choses. C'est super beau, c'est bien écrit, c'est imposant, donc foncez. Ouais, je me rappelle plus de tout, mais quand je l'ai lu, j'avais kiffé. C'est vrai que ça change d'habitude. Hein. Généralement, le scénario, ça tient sur un petit bout de papier, et là, c'est vrai que pour une fois, ça s'annonce super. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas de mémoire en plus, donc je me rappelle plus rien, quoi. Désolé, mais en tout cas, on vous le conseille. Rien que la première page déjà avec le méchant qui se sert un verre de vin, là, Fabo il s'est déchiré quoi. Me rappelle plus. Désolé. Mais c'est vrai que c'était cool. Pardon. On va poursuivre donc avec la franchise Green Lantern, donc le 41 par Venditti et Tan. Alors je sais plus si c'est Billy, Philippe, mais en tout cas son nom c'est Tan. C'est pas Philippe, c'est sûr. Pardon? C'est pas Philippe Tan, c'est sûr. Alors, c'est. Je sais plus. En tout cas, son nom, c'est Tan. Vas-y, on s'en fout. C'est Billy Tan, c'est ça. Alors, C'est là Billy Tan. aussi, le Green Lantern 41, ça, je l'ai lu il y a un petit moment déjà. C'est un bon numéro, pareil, bien, plutôt bien dessiné et tout, qui sonne très, très Star Wars. En fait, moi, ça fait. Je viens de démarrer l'univers Green Lantern, j'avais commencé avec le numéro 40, où du coup, Hal Jordan s'excluait de du corps Green des Green Lantern Corps. Lanterns. Et maintenant, ça se passe quelques mois après. Il a les cheveux longs, il est badass, il a une capuche, et il a le Gauntlet Power avec lui, donc plus un anneau. Et il est maintenant un renégat. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc il se retrouve sur une planète, en fait, où il y a un combat dans une arène, et il sauve l'extraterrestre qu'il y a dans l'arène pour le ramener à je ne sais plus qui, et il décide de le ramener donc au corps des Green Lanternes, sauf que le corps des Green Lanternes n'existe plus. D'accord, c'était sympa. C'était super sympa, mais en fait ça sonne grave Star Wars quoi. D'accord. Il y a des enfin moi j'aime bien, il se déplace en vaisseau spatial, tu vois, rien que ça. C'est un truc que j'aimais pas dans le truc que j'ai lu chez les Green Lanternes, c'est qu'ils sont toujours avec leur bague à la con Ouais. et qu'ils se déplacent que comme ça, quoi. Du coup j'avais l'impression que l'univers paraissait vraiment petit, quoi, tu vois. Ouais. Et là du coup j'ai l'impression vraiment d'une sensation d'immensité et tout, et ça peut faire un bon explorateur de l'espace, donc j'ai trouvé ça assez bien. D'accord. On peut commencer par là de toute façon. Ah ouais, C'est bah compréhensible. tu Ouais. peux commencer par là, hein, puis je crois qu'au niveau de la caractérisation, de toute manière, ça n'a plus rien à voir avec Hal Jordan. Hein. D'accord. Ou pas, du moins pas avec l'idée que je me faisais d'Hal Jordan, quoi. D'accord. Puis le nouveau costume est plutôt classe, hein. Ah, putain, moi je voulais m'y remettre avec Green Lantern, mais c'est vrai que je vais m'y remettre là, 41. J'avais lu le 40. Et faudra que je poursuive, ouais. Je suis un peu à la bourre. Il est mieux que le Et 40, hein, le 41. d'accord. Ouais, bah je rattraperai mon retard. Et on va finir Green Lantern avec Lost Army, donc Green Lantern Lost Army, avec Colin Bunn au scénario et Saiz au dessin. Donc Colin Bunn, ouais, effectivement, qui est scénariste principal chez DC, Marvel, Ouais, il est écrit de partout. qui est un peu partout. Donc du coup, alors on retrouve le Green Lantern Corps, parce que je ne connaissais pas des masses. Qui est guidé par John Stewart. Il se retrouve dans un espace inconnu, en fait, attaqué par des espèces de boules oranges. D'accord. Ils sont totalement paumés. Toi aussi, t'es bien paumé, parce que du coup, tu sais pas ce qu'ils foutent là, tu sais pas qui sont ces gens, tu D'accord. sais absolument pas ce qui leur Ouais, tu sais pas où ils arrive. sont, mais rien n'est dit où c'est qu'ils Il n'y a sont. Ouais. rien à expliquer, ils sont rejoints par un autre personnage à la fin, mais je ne vais pas vraiment spoiler, et même pas spoiler du tout. Donc voilà, en fait tu sais rien, ils se bastonnent un peu tout le long du numéro, mais c'est quand même vachement intriguant. Et dans leur D'accord. équipe avec eux, il y a Krona, D'accord. ce qui apparemment, Krona qui ne font absolument pas confiance, et qui serait le Krona d'une autre époque. D'accord. Ouais, Krona, c'est le bonhomme bleu là, Ouais, c'est c'était les gardiens. un des gardiens, c'est ça. T'es là, Vinci? Ouais. Ouais, mais Ah Krona, merde. il était pas mort celui-là? Il y avait des gardiens qui s'étaient fait buter à un moment donné. Si, c'est Krona. Enfin, ils sont tous fait buter au cas où. Parce qu'à chaque fois, ils sont butés, mais ils sont remplacés. Et Non, ah Krona, non, donc il ils est. sont tous morts, les gardiens qu'on connaissait, à part deux, mais. Et Krona, s'il est D'accord. mort, il a été tué par Hal Jordan, je pense. D'accord. Mais Je me Krona, rappelle c'est plus. apparemment, il voyage dans le temps aussi. Ouais, bah c'est en fait celui qui avait créé le premier truc. Le premier truc à Ouais, l'envers, c'est bah ça. c'est d'ailleurs ça que dans la série Hal Jordan, il tire son contre-pouvoir du gauntlet de Krona. D'accord. Mais lui, il est pas mort pendant le run de Geoff Johns. Et après, quand ils sont arrivés les nouveaux, ben ils ont installé des nouveaux gardiens bleus là, non? Il n'y avait pas un délire comme ça? Si, bah en fait, à la fin du run de Geoff Johns, Sinestro, il tue tous les gardiens, mais C'est les ça. gardiens, en fait, à l'époque, avant qu'ils pètent les plombs, bah, ils avaient enfermé C'est ça, là, les des premiers tas de Templiers pour gardiens. garder le premier lanterne, et en fait, ces gardiens-là, bah, ils sont devenus les nouveaux gardiens. C'est ça, voilà, ça je me rappelle. Ok, donc lui il est de retour, ouais, donc on sait pas dans quel univers on est, d'accord. Voilà. Ouais, c'est toujours intriguant quand même si c'est un peu dépaysant, c'est intriguant. Bah ouais, non, c'est carrément dépaysant, parce que t'imagines bien qu'ils vont se scratcher sur une planète inconnue, et puis ils ont surtout leur anneau qui a plus de jus, quoi. Donc ils vont être en mode Lost, j'ai l'impression. Enfin, j'espère que ça va prendre cette tournure-là, quoi. D'accord. Ok. Ben on va finir avec Vinch, hein, qui a lu donc Injustice années 4, 6, 7 et 8. Ouais. Donc ça continue donc avec la fameuse machination de Batman qui impliquait les dieux de l'Olympe. Donc là, après la magie, ben on bascule en pleine mythologie. Donc Batman a fait quelques petites manipulations pour intégrer donc Hera et Zeus dans son combat contre Superman. Donc là-dessus, on avait vu un peu du point de vue des dieux, on avait vu un peu du point de vue de Superman. Donc là, pendant trois numéros, on voit un peu toute la machination qui se met en place. Et donc à la fin du numéro 7, on avait un cliffhanger où Batman. Donc en fait, les dieux, ils vont trouver Superman et tout, et ils lui font voilà, Superman, t'es pas un dieu, donc tu vas te casser de la planète et tout. Superman, évidemment, comme c'est un peu à tarif, il fait non, je ne partirai pas, s'il faut, je vous buterai tous. Là-dessus, il lui sort ben voilà, on va te proposer un défi. Si tu gagnes le combat à mort, ben, tu peux rester. Si tu perds, ben, t'es mort. Donc, voilà. Et donc là-dessus, ils ont le droit de choisir un combattant chacun. Donc le combattant de la Terre, on va dire, est Superman. Et le combattant de la Résistance et des dieux, ben, c'est Wonder Woman. Parce que Wonder Woman, comme dans le New 52, est la fille de Zeus. Donc là-dessus, Wonder Woman veut tuer Batman, tout ça. Il y a une petite baston. Puis au final, il y a Wonder Woman et Superman qui pensent à se mettre sur la gueule. Et le numéro se finit par Wonder Woman qui est à deux doigts de buter Superman. Et donc ça, c'est le cliff de fin. Maintenant, ouais, j'ai bien aimé. Le dessinateur reste le même. J'ai bien aimé que ça bouge un peu. Parce que donc l'année 3, ça avait été un peu stagné. Maintenant, ça rebouge un peu plus. J'ai trouvé ça audacieux, le délire avec Wonder Woman et Superman. Même si au final, j'ai trouvé qu'elle changeait trop. Ben, genre, limite, ils sont in love tous les deux. Puis, trois pages après, ben, ils veulent se buter. Genre, Superman, il dit, ouais... Pour mon projet, je m'en fous. Si je dois te tuer, elle fait pareil. Ouais, bah, si je dois te tuer, bah, je gagnerai aussi. Je trouvais ça un peu rapide, mais sinon, j'aime toujours bien Injustice et je trouve ça toujours aussi bien. Et ce que je trouve bien maintenant aussi, c'est que les dessinateurs, ça reste plus ou moins les mêmes parce que pendant 2 ans et demi, ça change. Chaque semaine, c'était un peu lourd. D'accord. Donc voilà, maintenant, ça reste plus ou moins le style graphique. Mais sinon, et on sent qu'on se rapproche aussi du statu quo du jeu vidéo, c'est pour ceux qui ont joué. Vu qu'on est par rapport à Chitatio, on va y arriver. Ouais, donc vu qu'on est à un an, on voit de plus en plus que tout se met en place pour arriver au moment du jeu vidéo. Et j'espère vraiment qu'on aura une année 6 qui se passe après le jeu vidéo. Ouais, si ça marche toujours, il y a moyen. Ouais, j'espère, parce que... Injustice 2, de toute façon, ouais. S'ils font Injustice 2 qui se déroule 5 ans après le 1, ben, ils vont encore faire année 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est-à-dire que dans Convergence... Ouais, on les voit. Bon, c'est pas ce qu'il y a... Ah oui, on les voit. On sait pas trop ce qui leur arrive, que si je ne m'abuse. On les avait vus 2 minutes, non, dans Convergence, ouais. Dans le premier numéro, basta, je crois. Ouais, moi, j'avais arrêté. Mais... Temps de crever, tout, c'est. Voilà. Ils sont tous morts? Mais ils crèvent pas dans Convergence. Ah, je sais pas, non, tu sais pas trop ce qu'il advient. Mais... Je sais pas, moi, je les avais vus 2 pages. Non, et on après, les a vus 2 pages, ils se battent et tout, et moi, j'étais content, je me disais, ouais, cool quand même, Convergence, ils vont mettre Injustice, je kiffais. Puis après, on les voit c'est plus. J'étais ok. Ah non, on les voit plus, après, voilà, ils se battent 2 minutes, et après, ça passe sur les mecs d'Earth 2, et on les revoit plus jamais, en fait. Ouais. Ouais. En fait, Convergence aurait dû être Earth 2, 2 points Convergence, mais bon, ne parlons plus de ça. En fait, Convergence, ça aurait dû être Multiversity et basta. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Voilà. Ouais, carrément. Au lieu de faire leur merde là. Bon, ben on en a fini. On va passer ben, rapidement. Bon, ben alors, qu'est-ce que vous avez fait de geek? Alors, du coup, là, comme j'ai pas encore les moyens de me prendre la PS4, je termine un peu les jeux de la Xbox 360. Je me suis pris The Evil Within. Je sais pas si vous y avez joué. Ah, ouais, non. Je voulais le prendre. Ouais. Le truc, celui qui a fait Resident Evil. Ouais. Et édité par Bethesda, ce qu'on fait les Elder Scrolls. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un bon petit survival horror bien sympathique. Mais par c'est flippant c'est... vraiment ou pas alors Ouais, c'est assez flippant. Mais par contre, c'est vraiment un bon survival. Quoi. C'est pas comme les derniers Resident Evil où t'as 1 million de munitions, t'y vas à la mitraille ouais. Tout bon et t'es tranquille. Quoi. Donc là, t'as des réflexes que j'avais un peu perdu, tu vois. Genre, je vois un monstre en général, je fonce dessus, alors que là, non, t'as plutôt intérêt à te barrer. Franchement, c'est dommage que t'aies pas une Play. Hein. Si tu prends la Play 4, prends vraiment Last of Us. Hein. Si tu veux un vrai survival, tu te mets en mode réaliste et tu prends 2 balles, t'es mort. Et là, tu te fais des séquences entières avec 3-4 balles, quoi. Eh, d'accord. Ouais, je te conseille. Non, mais elle va arriver bientôt. Ouais. Et sinon, quoi d'autre? Bah sinon c'est tout hein. Pour moi franchement c'était vraiment un petit mois le mois de juin. Hein. Et Vinch? Ouais non tout pareil, j'ai pas fait grand chose de geek à part jouer à Batman Arkham Knight et en fait voilà ouais, c'est un petit mois aussi pour l'exosphère geek. Moi je me suis remis à DC Universe Online. Bon, le jeu il est buggé, mais c'est juste hallucinant quoi. Après, peut-être ça m'a plu parce que ça commençait un peu à vieillir, mais il y a des fois, tu t'arrives dans, en fait, t'es dans la ville et tu dois arriver dans des zones où il y a des combats en fait. Et il y a des fois, j'arrive dans la zone de combat, sur mon radar, je vois les méchants, mais ils n'ont pas encore apparu sur ma carte, sur mon jeu en fait. Donc, je me fais bastonner, je perds des points, mais les méchants, je les vois pas, tu vois. Oh, c'est pas mal ça. Il y a plein de bugs comme ça, donc faut que j'y arrive, je me recule, j'attends qu'ils apparaissent et après. Ouais. Sinon, ouais, c'est pas mal, hein. Il y a pareil, il y a plein de clins d'œil. Le jeu, j'ai pas payé, hein. Normalement c'est 13 euros l'abonnement par mois, mais bon, ça c'est archi mort. Mais Ouais, bah, c'est devenu c'est. gratuit maintenant, je pense. Je sais pas Ouais, il c'est est quoi en ça free sert to play, l'abonnement en ouais. fait sur ce jeu. Un abonnement, ça sert à avoir un tas de trucs en plus. T'as déjà t'as plein de DLC. Ouais. Et après, au niveau de l'équipement, moi, il y a un tas de trucs où je peux pas faire, quoi. Acheter un téléporteur ou. Enfin, un tas de trucs que j'ai pas encore tout compris parce que le jeu, il y a tellement de trucs et tout. Enfin, dans les menus, dans les sous-menus, voilà, ça demande du temps pour s'adapter à tout. Mais en jeu gratuit, c'est vraiment pas mal. Ouais, Hein. pas mal, Bon, j'avais c'est un. joué à l'époque sur Voilà. PS3 moi. Tu joues sur PS3 ou Ah bon? PC? PS3, PS3. Et bah après, c'est un beat'em all, hein. Ça fait que de se taper, c'est un peu toujours pareil. Mais franchement, pour un jeu gratuit, ça passe tranquille. Je viens de péter ta gueule sur ma PS4 avec. On peut jouer Interconsole? Ouais, parce que les serveurs PS3 et PS4 c'est les mêmes. En fait sur PS4 ils l'ont ressorti en lifting mais gratuit tu vois, la même chose. Bon, on va se capter alors. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Au niveau 30, t'es bloqué en fait, c'est ça? Ouais, Après, il faut après tu augmenter dois ton faire, ouais, CR. c'est avec tes équipements que tu montes de niveau, j'ai pas tout compris. En fait, moi le plus loin que j'ai été c'est niveau 20 je crois. Après j'étais Parce que bloqué dans une quête et puis j'ai pu jouer. moi, je suis au niveau 30, mais j'ai un CR de 42, je crois. Et après, c'est ce que tu dis, ouais. Il faut tu augmentes ton niveau par rapport à l'équipement acheté, ouais, c'est ça. Mais après, c'est cool. Il y a des fois, t'es en galère, donc tu pivotes sur le clavier avec la manette, hein. Tu marques en français, quelqu'un peut m'aider, et bon, moi j'ai eu la chance, je suis pas tombé sur des enculés. Les mecs ils viennent m'aider, donc tu fais une quête avec des mecs, tac tac, tu vois. Tu te bats avec eux, tu gagnes, et ainsi de suite. Franchement, c'est cool, Ouais, je pense que c'est je vais m'y divertissant. remettre un peu aussi. En plus, si tu joues comme ça, je capterai quelqu'un en français, c'est pas mal. Tu Ouais, joues mais sur quoi, y a... serveur JCJ ou JCA? Moi, je joue pas contre les gens, je joue contre les méchants contrôlés par ordinateur. Ah, JCA, quoi, cool. Ouais, ça doit être overcheaté, je suis sûr. Si tu joues contre des mecs, Moi, c'est bien ce qu'ils et sortent voilà. ce serveur aussi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, il y a la saison 2 Trou Détective qui a recommencé. Donc, nouvelle ambiance, nouveau lieu, nouveau personnage. C'est avec. Putain, comment il s'appelle? Colin Farrell. Bravo, merci. Colin Farrell et un autre. Un autre acteur. Matthew Vaughan, comme ça. Ouais, Matthew Vaughn, je sais plus. Vaughn. Et Ouais. oui, Matthew Vaughan, Rachel McAdams, c'est Taylor C'est ça. Kitsch, C'est Kate ça, voilà. Yarwely. Et bon, là j'ai maté les deux premiers. Bon, bah, ça monte petit à petit, hein, le temps de tout mettre en place. Mais par contre, ce qui est direct, c'est l'ambiance malsaine et tout. Ça, ils l'ont pas perdu, quoi. C'est prenant. Faudra voir où ça va aussi, mais c'est pas. Franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est loin d'être une purge. Je crois Le qu'il y a seul James truc, Wan c'est. hein, qui va réaliser des épisodes de True Detective. Ah ouais, aussi? D'accord. Parce que là, il n'y a pas Le. un réalisateur pour toute la saison. Ça va être plusieurs réals, je crois. La saison 1, c'était pas un mec Fukunaga, je crois, un truc comme C'était ça. Fukunaga, ouais, il avait réalisé toute la saison. Après, faut voir, parce que c'est le showrunner, c'est Nick Pizzolatto, là. C'était celui qui s'est occupé de la première saison. Donc, je pense qu'il va, il va s'occuper un peu de tout. Mais là, pour l'instant, franchement, c'est intriguant. C'est intriguant et c'est toujours aussi malsain. Donc, on va voir où ça va, mais je vous conseille de vous y mettre. Même si vous n'avez pas vu la saison 1, parce que la saison 2, ça, comme je viens de dire, ça n'a plus rien à voir. C'est pas une vraie suite, quoi. C'est une série anthologique, comme American Horror Story. Là, j'attends mon Voilà. ordinateur avec impatience pour regarder ça parce que la une, j'avais vraiment adoré, quoi. Mais honnêtement, ouais, moi la nuit, je l'avais vu d'une traite, et là, la 2, je me tâte à prendre mon mal en patience et à me faire les 6 épisodes restants d'un coup, parce que c'est vrai qu'un épisode par semaine, c'est. Vu que le rythme il est assez lent aussi, c'est un peu frustrant. Sinon, j'ai vu quoi? J'ai vu Sense8, la série Netflix. Vous Ouais. avez vu la pub ou pas? Non. Oui, j'ai vu la pub, ouais. Ouais, bah alors la pub, c'est le même délire à l'époque que Drive. Drive, il t'avait fait une bande-annonce, t'avais de l'action dans tous les sens. Et en fin de compte, c'était un mensonge, quoi. Dans le film, t'as vu, il se passe rien dans tout Drive. Bah, moi, À part. à l'époque, c'est pour ça que j'étais pas allé voir Drive, parce que je pensais que ça allait être genre un Fast and Furious, et du coup, je voulais pas du tout. Bah moi je m'étais dit ça va être un Fast and Furious mais bien. Et donc j'avais vu l'action, je m'attendais à un vrai film, tu vois, un film, on va dire, d'action, mais un truc bien fait avec une bonne histoire et tout ça, des bons acteurs, pas des répliques à 2 francs, quoi, tu vois. Et en fin de compte, je me suis fait avoir parce que dans le film, le film il est pas mal, mais il se passe rien, c'est lent, c'est contemplatif, il n'y a jamais de scène d'action. Et ben Sense8, c'est pareil. C'est l'histoire de 8 mecs aux quatre coins du monde. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant sur ça, ça change des séries habituelles. Donc, t'as un mec qui vit dans un ghetto en Afrique, t'as une meuf qui est DJ en Angleterre, t'as un mec qui est acteur au Mexique, deux aux États-Unis, machin, et en fait, ils vont capter qu'ils sont dans une sorte de cercle, on va dire, en quelque sorte mental, et puis ils peuvent, si tu veux, en quelque sorte se téléporter auprès de leurs autres frères et sœurs qui sont communs dans un même cercle, on va dire, spirituel. Je sais pas si je m'exprime bien, quoi. Si, Et donc si. voilà, il y a une sorte d'entraide comme ça, machin. Mais il y a des bonnes idées, mais le problème, c'est que voilà, c'est pareil. Je crois que j'ai jamais vu une série aussi lente, quoi. Chaque épisode, je me dis, mais vas-y, je vais arrêter, c'est pas possible. Voilà. Et C'est en plus fait, lent que The Fall. ouais, c'est plus lent que The Fall, ouais. Ouais, c'est plus lent que The Fall. Et en plus, le pire, c'est que donc, tu sais, les mecs, ils sont tous séparés. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, ils vont se réunir, quoi, tu vois. Et ben voilà. Et en fait, tu vas suivre sur chaque épisode un bout d'histoire de chacun. Et le problème, c'est que chaque histoire de chaque mec, elle est pas ultra intéressante, quoi. Tu vois, ils font traîner en longueur. Il y a des histoires, elles auraient pu se régler en 3 épisodes, quoi. Donc en fait, la saison 1, c'est pas mal, mais moi, pour moi, limite, les 12 épisodes, pour moi, c'est le pilote, en fait. C'est un pilote de 12 épisodes. Donc voilà, regardez, mais n'achetez pas Netflix pour ça. Je pense que vous seriez déçus, quoi. Voilà, j'ai fait Sense8, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Vinch, toi, tu. Non, ça va. Ça va? Spectra, plus rien à rajouter? Non, plus rien à ajouter là. C'était le mois de juin était calme. À part que le DCU est vraiment cool, c'est tout. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir après avoir lu Convergence, lire ça, c'est vrai que c'est franchement cool. Ouais. Ok, bon ben on vous dit au revoir à tous et puis on vous donne rendez-vous donc le mois prochain, il y aura un podcast au mois d'août. Voilà, merci à tous, à bientôt. Au revoir, bientôt. Ciao. I love Cali. I love Cali. I love Cali, baby.